celle qui nous amuse depuis quelques jours. Qu'est-ce qu'il y a, Loris, encore? Demain, on fait un truc de ouf pendant l'émission. On va faire 42 km en 3 heures. On se fait un marathon. Ah oui, on n'a pas parlé de ça. Émission marathon. Émission marathon demain. Il n'est pas au courant, mais... Ça ne tient pas. Demain, opération marathon, donc le public qui vient va faire le marathon avec nous. 42 km, il va falloir faire. Nous, on se débrouille. On se réveille toutes les 5 minutes. Prenez demain, vos affaires de sport d'ailleurs. Demain, ouais, je veux du sportif. Nous même aussi. Les. Ah bah oui. Public. Ah ouais, ouais, moi aussi. Ah oui. Oh, toi qui fais du sport, maintenant t'as tes affaires. Tu ouais, ouais. Bah attends, t'es en plein dedans en ce moment là. Oui. Ouais. Donc demain tu vas pas à la salle, tu cours ici. Tous les matins. Ouais. Ouais. Ouais. 14 km/h, je crois. Françoise ouais, salut chouette, comment ça va, Françoise? Françoise, après cette prestation magnifique de je suis ventriloque avec une chaussette, nous a renvoyé un mail en disant j'ai deux autres marionnettes. Oui. Ouais, ça c'est alors, Bolos. Attends, comment il s'appelle déjà la boule rouge? Bolos. Bolos. Et l'autre, le chien? Loup. Ah, c'est un lapin, c'est un chien? C'est un trop mignon. C'est un chien. C'est loup. Et alors, comment mignon. Tu fais? Tu les fais parler? Tu les fais un petit peu parler comme ça, lui il est tout timide. Françoise. Salut. Tu parlais toi ou c'était lui qui parlait? Non, non. C'était bien. Excuse. Donc ça, c'est Lou. Il ouais. est tout timide. Vas-y, fais-moi donc, parler, Lou. Voilà. Il tremble. Là, il est tout timide. Ah, putain, mais il parle vraiment. Il est tout timide. Françoise, tout timide. Non. Tes lèvres bougent. Mais... Elle est mignonne. Mais attends, on va essayer avec l'autre. Et ouais. Bolos, comment Bolos, il fait? Comment il fait? Et lui, le sait. Ah non, mais là, Françoise, c'est pas possible. Françoise, arrête, ta bouche elle bouge plus que les marionnettes. Arrête. Salut, je suis ventriloque. Non, du jeu, Françoise, c'est que la bouche elle bouge plus. Non, c'est là, c'est Bolos, donc c'est Renan le. Par contre, par contre, tu lui faut ouvrir la bouche même quand il parle plus, ce qui est quand même bizarre. Il faut que Françoise. Mais elle fait toujours Françoise, le mouvement de la bouche. Il faut que tu apprennes à le faire parler. Bah oui, je sais. Alors vas-y, fais une conversation. Un sketch. T'as bien un sketch. Entre les deux, t'as ouais. deux marionnettes, t'as bien trouvé des trucs à dire. C'est sympa, voilà. Les marionnettes à la radio. Salut, Dolos. Salut, Dolos. Non, c'est pas le bon mot. Ça va, ça fait quand t'écoutes. Ah oui, moi je t'ai dit, je suis super contente d'être sur Énergie à Coé. Toi aussi? Oui, moi aussi, mais j'ai tout timide, moi. Ah, ça doit être dénide, dis donc. Hey, ils sont cool là-dedans. T'élève, hein, t'élève, François, hein. t'élève. Ils sont cool là-dedans. Hein. Et quand ouais. tu fixes que sur la marionnette, ça fait. François, faut que tu fermes un peu la bouche. Ferme un peu la bouche. Non, mais continue, mais ferme un peu la bouche. Il y a non, du texte. Moi, j'y reconnais pas, moi. Bah bon, on va faire beaucoup, ouvre un peu la bouche. Alors, oui, ça, c'est sûr que tu les connais pas. Hein. J'ai l'impression de voir un film d'horreur avec un enfant possédé, tu sais. C'est flippant. Et la chute. Et la chute, Françoise, est-ce que t'as une blague avec tes marionnettes? Il y a un petit texte. Donc normalement on devait chanter. Ah bah vas-y, chantez. Avec mon mari et la guitare. Mais bon là. Ton mari et la guitare, ouais. Chante sans guitare, on y va, chante sans guitare. Alors, on va faire. Françoise, ta bouche, Françoise. C'est trop mignon. Vous venez d'arriver sur Énergie. C'est une séance de. C'est fini. J'adore cette chanson, bravo. Tout ça est réalisé intégralement sans aucune drogue. Merci, rendez-vous demain. Merci Jean-François. Salut Guillaume, bonne soirée à toi. Et nous on revient demain. Ciao, je vous embrasse, au revoir. Au revoir. On revient demain dès 19h sur Énergie. Du lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, c'est parti. Okay. On y va sur Énergie de 22h à minuit. Putain, trop content d'être là à partir de 22h chaque soir. La Guillaume Radio 2.0, nous sommes en direct, hein, je précise, nous. Chaque soir, 22h à minuit, les deux dernières heures de la journée, on les passe ensemble. Vous êtes les bienvenus, les gars. Prévenez tout le monde quand vous êtes en cours ou quoi, que ça se passe ici le soir sur Énergie. Guillaume Radio 2.0, je suis donc avec toute une équipe que je vais vous présenter si vous découvrez l'émission aujourd'hui. Je m'appelle Guillaume, c'est Guillaume Radio 2.0. Il y a Julien, le stagiaire de l'émission. Ouais, je suis là, salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va bien la journée, ouais. Ouais, en forme, ça va. J'ai chaud là, je suis en chemise, je pue un peu, désolé. Il y a une odeur un peu bizarre. En chemise en jean. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, j'espère que les cours se sont bien passés chez vous. Si vous étiez en cours aussi, j'espère que ça s'est bien passé, les frérots. On se retrouve là le soir à chaque fois. Ça va, Guillaume du Standard? Salut Guillaume, ouais, ça va super, ouais. Ça va, tranquille la journée? Ouais, parfait, franchement, nickel. Très bien, bonsoir ouais. Julia. Salut Guillaume. Julia, que nous appellerons ce soir? Julien stagiaire. Ah, oula, je sais pas. La gendarmette. Ah oui, parce qu'elle a. il nous a pété les couilles. Ah, mais j'avais pas toute la journée. Elle a l'air de s'habiller en bleu, mais alors en bleu gendarme aujourd'hui. Moi, j'ai bien aimé. Petite chemise. Un peu strict. Une sorte de mini-jupe là pour la conférence de rentrée ce matin à Énergie. On a la conférence de rentrée là. On est tous dans un amphithéâtre et on parle pour personne en fait. Hein. ça va, Flo des cadeaux, ouais. Salut Guillaume, ouais, ça va tranquille. Ça va tranquille la journée, ouais. T'as sorti la chemise de mariage, toi. Je crois que j'étais le moins endimanché de l'équipe. Ouais, hein. J'étais pas trop. J'en avais un peu rien à branler ce matin. Bah ouais. Écoute, c'était tôt en plus. Ça s'est vu ou pas, non? Un peu. C'est vrai, ouais. J'ai pas envie de faire l'effort. On est parti vite en plus. Donc. Non, c'est vrai, je suis parti vite. Bah, en plus, t'as loupé, il y avait à manger. Ouais, c'est vrai. Il y avait un buffet, j'en ai même pas profité. Franchement, on à l'œil. En plus, on aurait dû en profiter. Ah, bah moi j'y suis allé. Hein. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée, frérot. On se fera Gims hein, tout à l'heure avec Jules. Je garde la poire, je suis le chasseur de la poire. Ça va. Putain, je peux vous dire, ça fait 2 heures, on est en train de redémarrer les serveurs et tout. Ça marchait plus le système SMS. Ouais. Et j'ai dit, ah putain, mais comment on va faire pour parler? Et ça a redémarré, mais alors la magie du direct, genre quelques secondes avant. Mais vraiment, quand je dis quelques secondes, c'est vraiment 20 secondes avant. C'est beau. Donc le standard est allumé. J'ai mon petit ordinateur devant moi, il y a un petit écran normal. Vous balancez un petit SMS avec votre petit portable et ça va arriver sur mon petit ordinateur. Et je pourrais lire sur la petite radio sur laquelle nous sommes, la plus grosse radio de la planète. Voilà, Guillaume au début du texto. Si vous découvrez l'émission ce soir, vous pouvez le faire hein, chaque soir, je l'explique pour les nouveaux. Vous envoyez Guillaume au début du texto et vous me le balancez avec votre petit message dedans. Si vous voulez faire une petite dédicace, voilà, on vous a attendu toute la journée. Bonsoir Alan du 60, salut poteau, merci pour ton message. Guillaume est le message après. Il faut vraiment mettre Guillaume au début du texto, sinon il n'arrivera pas dans mon studio et il sera perdu dans les serveurs d'énergie. Donc faut mettre Guillaume pour qu'il arrive sur mon écran là. Guillaume, un espace et votre petite dédicace. Si vous voulez faire ça à des potes, si vous êtes en voiture, si vous voulez prévenir un pote, si vous voulez vous faire une auto-dédicace aussi, Guillaume et votre message et vous l'envoyez au 6 11 12. Voilà, 61 112. On se fera son preuve. Ça sent le brûlé, appelle les pompiers. Je suis chaud. Salut les gars, je vous attendais. Pourquoi vous faites plus de 2 heures? J'ai trop hâte de vous écouter. Allez-vous venir sur Valenciennes cette année? Bonsoir Amandine. Oui, on va essayer de venir à Valenciennes. Ouais, dans le Nord. On était venu à Lille l'année dernière, on va essayer de venir à Valenciennes. Vous êtes là les gars, je me suis fait piquer par une guêpe, je gonfle du bras. Oula, bah. Est-ce que c'est grave? Bah, oui. Ça dépend si t'es allergique et tout, mais. Ouais, bah, gonfler, c'est pas beau. Hein, bah, de toute façon, si, après, ça peut, à mon avis, une guêpe, ça va quand même. Ouais, mais il y a des gens qui peuvent être très allergiques. Ouais. Salut à toute l'équipe, je vous adore. Bonsoir ma Camélia de Reims. J'avais trop hâte de vous écouter. Bonsoir à toi. Bah, merci beaucoup. Salut à Seb de Houlin. Refaites le jeu du tueur, s'il te plaît, à l'ancienne. Bon, on pourra le faire avec plaisir aussi pour l'antenne là, ce soir. En tout cas, ce soir, c'est le jeu du médecin. Le jeu du médecin de village, on le refera là. Est-ce qu'il marche, SMS? Je ne suis pas sûr. Moi, ça marche. Non, mais j'ai l'impression que ça merdouille un peu quand même. Moi, ça bug. Hein. Ouais, attends. Voilà, j'envoie juste par SMS, j'aime du standard, le mot m'habite. Voilà, juste dis-moi si tu vois m'habite sur l'écran. Non, mais même pas, plus, je viens de le faire. Dis-moi, j'aime ça. Tu vois, ça s'affiche pas, il y a un bug. Ah ouais. Non, mais je vous dis, non, mais putain. Alors, en plus, depuis tout à l'heure, les mecs, on leur dit, il faut vraiment que 22h ça marche. Parce et, ouais, sabote, et le mec, il dit, ah bon, il y a un bug. Ah, bah, attends, je vais prendre ma voiture. Ça va. Est-ce que tu m'habites ou pas, j'aime ça? C'est bon, j'habite. Coucou à tous ceux qui coachent au travail. Salut les mecs qui bossent. Bon courage à tout le monde. Hein. Soirée parfaite devant la démo de FIFA 17. Ça sort bientôt là. Et vous dans les oreilles, bonsoir à toi là. Aux écouteurs sans fil, spécial dédicace aux écouteurs sans fil du nouvel iPhone. Encore deux super heures avec ta dédicace à Audric, le poteau de l'internat. Salut à Paul Auguste aussi, il n'y a pas de problème. Salut Polo. Salut mec. À tous les patrouilleurs du Sman Security, et bah, la dédicace est passée aussi. À Katia, ma chérie que j'aime. Bonsoir à Johan, je t'aime mon amour, t'es l'homme de ma vie. Signé le 8e RPIMA. RPIMA, ouais, ça doit être l'armée, ça, ouais. Régiment de patrouille. Non. Ah. D'infanterie RPIMA, c'est quoi le standard? Vas-y avec le Google. Premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Ah bah salut les man, salut les gars. Je t'adore trop la radio, t'es super sur TPM. Merci Elisée, je te fais un gros bisou. Je vais te dire, c'est fait piquer par un bourdon avec un gros dard. L'an passé, une fois. Aujourd'hui, je me suis déboîté le genou 2 mois dans le plâtre aussi, Gabriel du 9-2. Je vous écoute tous les soirs en rentrant du taf, merci d'être géniaux. Bonsoir Anna du 50, et bah, salut la Manche, je t'embrasse très fort Anna. Voilà, Guillaume et votre dédicace, ça marche, hein, vous pouvez y aller. Hein. Les textos remarchent. On n'était pas sûr, et puis c'est bon. On a vu ma bite passer sur le SMS. J'envoie exprès un SMS comme ça on est sûr que personne n'a envoyé la même chose. Ouais. Et je pourrais voir direct s'il arrive ou pas. Voilà. Salut la Dream Team, bonne soirée les potos, coucou groupe Volupal et la team RCA Ghost 18. J'aime à Lou Sevray, je t'aime Victor. Voilà le message qui est passé. Balancez vos petites dédicaces les potos et je vais les lire maintenant. Il y a juste Mélissa qui a appelé 21 ans. Tu m'entends Mélissa dans le 86? Oui. Ça va Mélissa? Oui, je vous entends. Oui, ça va. Eh ben enchanté, ma chérie. Bienvenue sur Énergie. Écoute, hein, première fois que tu passes à la radio ou t'es déjà passé avec nous là? C'est la première fois. C'est le dépucelage radiophonique pour toi. Alors. On se fera la petite blague de JM du standard dans 2 minutes. Hein, ah oui, oui, on fait une blague de JM du standard à 22h09 tous les jours. Elles sont plus ou moins bonnes, mais elles sont plutôt pas mal en ce moment. Ah merci Guillaume, merci beaucoup. Ouais. Non, c'est vrai, c'est un peu comme les cerises, c'est par période. Ouais, et JM du standard, c'est un peu comme les cerises, c'est 2 semaines, et puis après t'attends 1 an. Ah non. Donc, là, on est bien là en ce moment. Pour vous, c'est dur. Exactement. Pour vous, c'est dur. On verra ça. JM du standard, t'avais une blague, tu te prépares dans une minute. Je suis prêt, Guillaume. Mais d'abord, on écoute. Mélissa, eh ben, enchantée Mélissa. Tu travailles dans quoi Mélissa à 21 ans là? Je ne travaille pas. D'accord. Ça fait partie du problème justement. Explique. En fait, mon beau-père me met la misère, voilà, depuis que je suis rentrée de ma famille d'accueil, il me met la misère et à chaque fois il me force à arrêter mes études. Du coup, j'ai aucun diplôme. Quand je postule dans un travail, a priori, c'est lui qui va les voir pour faire en sorte que je ne puisse pas rentrer dedans. Et donc, je suis refusée. Et il voudrait me mettre... il m'a fait une demande de MDPH, d'AAH. Et il voudrait me mettre dans un centre qui s'appelle ESAT. Voilà, c'est un établissement pour les personnes qui seraient handicapées fortement, voilà, pour travailler avec... voilà, c'est que les mecs qui ont déjà mis des gens dans les hôpitaux pour prendre de l'oseille. Il y a pas de test avant. J'ai vu un reportage. Les médecins, ils font quoi? Il y a des gens qui, en fait, tu le vois que t'es pas apte à aller là-dedans. Mais dans les années 70 et tout ça, et bah tu donnais un cachet à un mec, tu le droguais, tu l'emmenais dans un hôpital psychiatrique, tu dis voilà, il fait des crises de démence, regardez les fous. Et en fait, les mecs, ils étaient internés toute leur vie. Et en fait, ils disaient voilà, en fait, genre des médecins, ils faisaient genre internés, comme on dit, dans un hôpital psychiatrique, quelqu'un de leur famille, genre une grande tante qui était pleine d'oseille, dont ils étaient héritiers. Ah ouais. Et en fait, il a bourré de médocs et en fait, il pouvait jamais parler parce qu'il était complètement shooté. Et ils obligeaient cette personne ne dit rien. À prendre des médocs toute sa vie. Bah non, parce que c'est le médecin qui dit voilà, il faut lui donner, sinon il fait des crises. Et comme ça, après, il prend l'oseille, il passe aux tutelles, comme on dit, et il prend l'oseille. Voilà. Il y en a plein qui font ça. Bah, sympa la famille. Pour vous dire, j'en connais même une. C'est vrai. Qui a été 10 ans en hôpital psychiatrique. Bah, je connais quelqu'un. Ils l'ont drogué, genre. Normandie, qui a fait 10 ans, 15 ans d'hôpital psychiatrique, il n'y avait rien. Voilà. Et elle parle pas, la dame. Et bah, si, il pouvait pas parler parce qu'il donnait un cachet. C'est un médecin qui est en prison aujourd'hui qui a fait ça. Ah, tu t'évades au pire, franchement. Et en fait, il a mis sous tutelle juste avant. Enfin, il a fait faire un micmac, bref, je sais plus ce que c'est. Et après, la meuf, elle a fait 15 ans d'hôpital. Il a bourré de médocs et la meuf, elle pouvait plus parler. Elle était complètement débile, quoi. C'est 15 ans de prison, un peu, quand même. C'est pareil, c'est pire. La preuve, oui. Enfin, je sais pas si c'est pire ou moins bien. Ça ressemble, en tout cas. Ouais, t'es shooté. J'ai déjà, t'aimerais te faire shooter pendant 15 ans. Non, jamais. Si on fait ça, c'est chaud. Salut, vous êtes au top. Salut, Sésim. Salut, Sésim. Salut, Man. Salut. Bisous, les amis. Bisous à vous tous et à tous les routiers. Salut, T-Vince. Bonsoir à toi, T-Vince. Bisous, bisous. Bon, attends, juste Mélissa, tu bouges pas, ma chien. On fait juste la blague de JM du standard parce que c'est une institution. Ah ouais, ça y est. Ok, Mélissa. Oui, oui, pas de problème. Et c'est toi qui vas nous donner une note sur 20. Ah, c'est bien. À la fin. Comme vous tous, chez vous, vous allez envoyer Guillaume et une note sur 20 au 6, 11, 12. Je vous file des Xbox One S et des PS4 après JM du standard. On t'écoute. Ouais, alors en fait, c'est l'histoire d'un couple qui vient d'avoir un bébé, mais le bébé, il a pas d'oreille, quoi, tu vois. Donc, ils sont à la maternité. Là, il y a la famille qui leur rend visite. Le premier cousin, il arrive et il dit oh, le beau bébé, mais dommage, il lui manque les oreilles. Le père, il est dégoûté, tu vois. Quand le deuxième cousin, il lui rend visite, il fait oh, le beau bébé, mais dommage, il lui manque les oreilles. Le père, il est dégoûté. Là, il y a le troisième cousin qui arrive, il croise le deuxième, il lui dit bon, le bébé, il a pas d'oreille, mais n'en parle pas parce que le père, il est vraiment énervé, quoi. Donc le troisième cousin il arrive, il fait oh le beau bébé, j'espère qu'il aura pas de problème de vue parce qu'il pourra pas mettre de lunettes. Ok. Big up. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Non, juste la gire. Elle est marrante. Combien sur 20? 14. Quand même, parce que subtil à fin. Julia? Moi je donne 17 à JM. Oh, non mais toi tu le suces. Ah, non, t'as du cœur. Bon à savoir. Flo des cadeaux. Non, t'es mignonne, un 13. Ah, 13. Ouais. Ah, c'est bien. Donc, Mélissa, comment tu donnes? C'est toi le plus important? 18,5. Oh, merci. Ah, attendez, là, mais. Arrêtez, moyenne. Ah ouais. C'est pas que je veux pas, mais c'est n'importe quoi. Vous voyez bien que ça va trop loin, là. Non, c'est pas mal. Je vous ai mis une photo de chat qui fait un dab. Ouais. Qui dab, là. Je vous ai mis ça sur Facebook. Hein. Si vous voulez aller voir Guillaume Play, PLEY. On est combien, JM du standard, la soir? 1 951 886. Ah, merci beaucoup. Ouais. Voilà, Guillaume Play, 890. Là. Guillaume Play avec un PLEY. On se retrouve dessus. JM du standard. Non, il était pas mal quand même, mais. Ah, merci. Il a chaud. Voilà, 19 et demi, Fanny, 16. Non, pas mal, non. 15, 14, 8 pour les forts, les archi connus. 10, j'ai pas compris la blague, dédicace au lycée Claude Monet. 10 comme la taille de son nez en centimètres. Ah, salut. 18, ouais. Albatard, 12 sur 20, 10, 19,5, 10, dédicace à la bide, 4ème set de SFX Rob. Salut les gars, vous me régalez mes nuits de boulot. Bonsoir le Marseillais. Merci, bonsoir. Et bam, big up les Marseillais. Ouais. Bonsoir big à vous. Up, big up, big up. Salut le Sud. Bon courage à tout le monde, hein, les potos. On se retrouve le soir à la radio entre 22h à minuit. Nous sommes ici dans ce studio du 16e arrondissement de Paris, auquel nous n'avons rien à y faire en vrai. Il n'y a aucun membre de mon équipe qui vient de Paris. Nous sommes tous retrouvés là pour faire de la radio. On a rencontré des mecs comme ça, à droite à gauche. Julien, on l'a trouvé quelque part, je ne sais plus où. On l'a trouvé dans le fond d'une radio locale. Enfoncé sur le micro, on l'a trouvé. Flo des cadeaux, on l'a trouvé. Pareil. On l'a trouvé dans une école de radio. Ouais. Dans une école de radio. Ah ouais, dernier de la classe. Ouais. C'était vraiment le mec le plus mauvais, celui sur qui les profs ont dit bon, je prends les sous pour l'école. Ils en font tous. Hein. Mais il n'aura pas de boulot à la fin. Ouais, étonnant. Ben voilà, c'est lui qui est là avec nous. Bonne journée. Bon, on sera Ken Jones après. C'est toutes les nouveautés, hein, de toute façon, ici. Fou, mais j'avoue que moi je l'aime tellement la nuit. Mamène, dédicace à Mamène et dédicace à Ewan, Roman, Axel, Greg et moi. Salut Basile. Eh bah, pas de problème, hein. Guillaume et le message au 612. Bonsoir le Glaude, dédicace au transport DPD 59. Salut à toi. Salut. Tu passes tout le temps les mêmes bouts, j'aimerais trop passer à l'antenne, Mordor. Salut. Que des galères aujourd'hui au taf, heureusement que vous êtes là pour monter le moral. Salut Marion du 36. Bon courage à tout le 36. Hein. L'Indre, ouais. Guillaume et votre texto là au 6-11-12. On se fait Niash, Shakira qui arrive. Et venez nous dire un peu comme Mélissa. Toi en fait, c'est ton beau-père qui t'a mis la misère en gros. Oui, bah, je sais pas pourquoi. Et puis justement, vous pourriez vérifier dans il s'est dit en privé. Moi j'ai fait 8 mois d'hôpital, mais pour dépression nerveuse. Ah ouais. Et c'est depuis qu'il veut vraiment me mettre dans un centre. Et là, vendredi, il m'a eu son attendant qui est la place au centre. Il t'a mis où? Il va me mettre à Emmaüs vendredi. Mais Emmaüs, c'est pas les meubles, Emmaüs? Si. Ils font hébergement. Ah, il y a des aussi des foyers. Ah ouais. Ah, mais il y a un souci avec ton beau-père. Ah bah. Mais ta mère, elle dit rien. Voilà. Non, parce que je pense qu'on a tous peur de lui. Ça va trop loin à un moment donné. Pourquoi vous avez peur de lui? Parce qu'en fin de compte, là, il fait style qu'il est malade, qu'il tremble et tout ça, mais en fin de compte, c'est les réflexions à tout va, il n'est pas si malade que ça, quoi. Et pourquoi tu n'essaies pas de trouver du boulot et de te barrer de chez toi? Mais j'ai essayé, mais le problème, je ne peux pas me barrer sur moi tant que je n'ai pas de revenus financiers, déjà, une. Et de deux, quand je postule, j'en parle à ma mère, mais elle en parle à tout le monde, forcément, elle est au courant. Et lui, en général, je sais qu'il va dans les bars auxquels je postule. Voilà, et donc, à chaque fois, on m'appelle genre 2 jours après qu'il soit allé boire son coup, soi-disant, et on me dit, désolé, mademoiselle, on ne peut pas vous accepter dans notre établissement. Et pourquoi c'est pas une vraie excuse. C'est du harcèlement, là. Franchement, Mélissa, il pourrait, mais c'est un connard et tout, mais t'es pas obligé de le dire à toi, à chaque fois, le nom d'un connard. Pourquoi tu vas lui dire? C'est parce que j'ai pas le permis, donc pour forcément aller à droite ou à gauche pour postuler, moi j'habite dans le bus. Tu peux toujours trouver des solutions. Non, mais t'as des potes? Un cousin? Non, j'en ai pas, justement, parce qu'il a réussi à m'éloigner de tous mes amis. Non, ouais. Je vous promets. Je suis vraiment isolée. Oui, mais c'est parce que quelque part, faut pas que tu rentres dans son délire. C'est la merde après. Et justement, c'est pour ça que j'essaye de me rebeller un peu pour lui montrer que non, je suis comme les autres et voilà. Mais alors là, je vous dis pas ce qui me met par-dessus, pas physiquement, mais mentalement. C'est des claques que je me prends à longueur de temps et moi j'en peux plus, quoi. Je sais plus quoi faire. Ouais. Faut que t'ailles porter plainte autrement directement. Moi, je sais pas porter plainte, mais c'est surtout. Et ta mère, elle a peur de quoi? Elle a peur qu'il. Genre, il la tape et tout, ton beau-père? Je pense qu'elle a peur qu'il la quitte parce que c'est le seul homme de sa vie, quoi. Donc, et souvent, elle me dit s'il part, je serai mal et voilà. Donc, mais ça, c'est normal. Mais à toi aussi, t'es importante. On est amoureuse et tout, c'est normal qu'on est amoureuse. Je sais, t'as déjà été amoureuse, toi. Amoureuse. Non, mais tu sais, quand t'es amoureuse de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un, c'est la famille et tout. Après, de là à dire je peux pas trouver de boulot, franchement, tu prends un ticket de bus, tu fais du stop, tu démerdes. Tu l'embrouilles, tu le rentres dedans. Vous pouvez vérifier, j'ai pas de bus qui part de droite à gauche. Et dans mon village, la seule personne qui pourrait m'emmener, c'est un pervers. Non, voilà. J'ai l'impression que t'es un peu. Tu te mets un peu tout seul dans ton délire, Mélissa. Dire, il n'y a pas qu'un pervers, chérie. Excuse-moi, moi j'habitais dans un village de 12 habitants, je viens de la campagne, moi je sais très bien. Et bien un voisin. Mais tu peux toujours trouver une solution. Même le maire, au pire, je sais pas. Et ta mère, elle te dépose, elle n'est pas obligée d'aller balancer. Elle n'est pas très maligne non plus d'aller dire au beau-père s'il te sabote le truc après, tu vois. Faut qu'il t'aide, ta mère. Faut que tu trouves une alliée quelque part si t'as pas d'amis. Ta mère, c'est vraiment ça. Je suis vraiment isolée, c'est ce que je vous dis. Moi, je suis perdue. Ma chérie. Et dans ce cas-là, mets-toi très très proche de ta mère. Discute beaucoup avec ta mère. Et tu expliques le problème. Tu dis voilà, ce mec, c'est un salopard, il me fait chier et tout. Tu l'aimes, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai envie de partir vite. Donc aide-moi à trouver du boulot. Et comme ça, après, je viens vous voir une fois par semaine pour bouffer le dimanche. Et voilà. Franchement, c'est ce que j'ai bien essayé de faire, mais ça part en clash. Voilà, ça part en clash. Pourquoi ça part en clash? Mais quoi que je fasse, il m'allie tout le monde contre moi et du coup je me retrouve comme une conne. Quand j'essaye de trouver par exemple ma famille qui habite dans le nord, en Seine-et-Marne, voilà, il y a Saint-Augustin, il y a un peu partout, ma famille qui habite donc là-bas, je les ai appelés des fois pour leur dire vous pouvez pas m'héberger tant que je trouve un travail, voilà, j'avais plus ça comme recours. Non mais c'est ce que et tu moi, fais, non mais, non mais je te donne une solution très simple, tu dis à ta mère dépose-moi en ville, maman je vais faire du shopping l'après-midi, tu t'imprimes 50 CV, tu vas les donner, elle le saura jamais, voilà. Tranquille. Bah ouais. Bah oui. Là, je te le donne moi la solution. Ouais, fais ta vie. Hein. Voilà. Tu dis que donc, tu vas avoir une pote. Mais bien sûr. Non, mais tu dis même pas. Tu dis voilà, ouais, je vais dépose-moi cet après-midi. C'est sa maman. Pire, et tu vas et tu vas en ville et puis et toi tu, après tu fais les bars, tu vas dans les magasins Célio, tu te proposes d'être vendeuse et tu distribues tes CV un petit peu. Comment elle peut le savoir? Elle saura jamais. Et quand t'auras trouvé un boulot après, tu iras. Alors voilà, tu leur diras j'ai trouvé un boulot. Voilà, c'est tout, toi. Mais faut que tu prennes un avant. Fleur des cadeaux. Bah, par internet aussi. Ouais, tu peux envoyer des CV aussi. Tu peux postuler par internet. Mais c'est mieux d'y aller. Ça, ça, par contre, si, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. C'est pareil, j'ai des refus. Non, parce que j'ai pas de diplôme et j'ai pas d'expérience. Du ouais, et bah, et tu sais quoi, il y a rien de mieux que de bouger son propre cul. Grâce à un resto. Et d'aller et de serrer la main du patron et dire bonjour monsieur, je cherche du boulot, une bonne poignée de main bien ferme. Un bon regard. Tu regardes bien dans les yeux et tu dis voilà, je cherche du boulot, je suis quelqu'un de confiance. Je suis fiable. J'ai envie de bosser, j'ai envie d'y arriver. Faites-moi confiance une fois et puis si vous êtes pas content au bout de trois jours, vous me virez. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent à ça? Non, mais c'est vrai. À part oui. Franchement, je te jure, trouver du boulot, il y a rien de plus simple quand tu fais comme ça. Faut juste avoir une poignée de main bien franche, regarder dans les yeux et le patron va être rassuré. Ouais. C'est exactement ce que j'ai fait quand je suis arrivé sur Paris. Je suis arrivé dans un bar. Il a sorti sa bite. J'ai serré la main au patron. Et j'ai dit voilà, je vais être franc, j'ai jamais fait de restauration. Ouais. Voilà, je suis quelqu'un de motivé, plutôt sérieux. Essayez-moi. On va dire pas plutôt sérieux. Sérieux, c'est pas sérieux. À peu près sérieux. Essayez-moi. Et là, le patron a commencé à me dire t'es prêt à travailler combien de temps par jour? J'ai dit bah, je sais pas, franchement, je compte pas mes heures. Il me dit 7h, 8h, il monte jusqu'à 10h, 12h. Il me dit même si je te paye pas, j'ai dit bah, essayez-moi et on verra bien. Ça l'a fait rire, il m'a essayé, il m'a donné rendez-vous le lendemain. Et j'ai m'a gardé 7 ou 8 mois, je crois. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Enfin, il faut y aller, franchement, il a raison. Ah, J.M. Sonar, l'exemple pour la. J'essaie. L'exemple pour le monde. Ah non. L'exemple pour l'Europe. Ouais. L'exemple pour Macron. Voilà. Un modèle. L'exemple pour le président. Voilà. Il va remonter la France à lui tout seul, J.M. Sonar, sans diplôme. Non, mais c'est vrai, t'as raison, mais complètement. Faire ça. Ah, je suis d'accord. Hein. Mélissa, tu devrais faire ça, ma chérie. Ouais. Tu vas rencontrer les patrons, tu vas rencontrer. Même à McDo, qu'est-ce que t'en as à branler. Tu vas à McDo. Bonjour, monsieur. Voilà, je vous explique, je cherche du boulot, j'ai jamais travaillé là-dedans. Et il cherche à McDo. Sérieuse, je suis une meuf qui est sérieuse, qui a envie de bosser, je suis gentille, voilà, c'est bon, hein. Et emballé, c'est posé, hein. Ça va bien se passer. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui vous a fait la misère, comme Mélissa? Venez nous raconter, là. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un de votre famille, un patron, un prof, un ex qui vous a vraiment fait la misère? Guillaume, et votre message, là, au 6-11-12, on se fait niache, I hate you, I love you, et venez nous raconter, est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi? Guillaume, et votre texto au 6-11-12, ma prof de maths vous écoute, et ce matin, il nous a sorti une blague de Flo des cadeaux, j'en pouvais plus. Elle peut se réfugier dans un refuge pour l'aider, il y a des assos. Bah attends, on va vous appeler, là. Moi, je vis dans un foyer, je me sens super mal aussi, salut les chéris, là. Bon courage. Bon, Guillaume, et votre message au 6-11-12, et comme Mélissa, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui vous a fait la misère sans raison? On en parle sur Énergie, là. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat, still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Messed around and got attached to you. Friends can break your heart too, and I'm always tired but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that. I put this reel out but you wouldn't bite that. I type a text but then I never mind that. I got these feelings but you never mind that. No, oh, keep it on the low. You're still in love with me but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. Just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms. Caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you did. Lie to me, lie with me, get your fix. Now all my drinks and all my feelings are all mixed. I'm always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night I sing this song. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never.

tomorrow. Don't you worry no more. Take a time to look around. These people care about you. Tomorrow gonna be alright, so don't you worry, no. I wanna live my life, I don't wanna wait no more. Show me some paradise, I just wanna see some more. Is there a place for people who wanna be free? If you're looking for me, I'ma be there, I go. Guillaume Radio 2.0 sur NRJ. Allez, de retour à l'antenne avec Kate Jones sur A Soprano. Je sens que je vais briller. Ah. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Car moi, ce soir, je suis en feu. Je suis en feu. Je suis en feu. Car moi, ce soir, je suis en feu. Je suis en feu. Kiki et Loulou, bonsoir Kiki et Loulou. Salut, salut. Dom du 54, salut man. J'aimerais vous refiler le numéro d'introduit. Ça, on se marre, salut tous les soirs, Jean Posture. Salut Alexandra de Dinan, salut Alexandra. Ça ou quoi. Bon, elle peut se réfugier dans un refuge. Alors on va prendre toutes vos réactions. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui vous a fait la misère dans la vie sans vraiment qu'il y ait de raison? Avant de se faire le nouveau jeu du médecin de village, on va le faire dans deux minutes. J'ai un stagiaire, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a mis la misère sans raison? Un prof, un patron, un collègue, ça peut être aussi une ex ou une un parent, nana avec qui tu sortais? Moi c'était le frère d'un pote en fait, il m'a jamais aimé. En fait j'allais chez lui, il m'insultait, on jouait au foot ensemble dans la même équipe, jamais il me faisait une passe. Ah ouais? Quand mon pote m'appelait, il m'insultait au loin. Genre mais vénère hein. Je l'ai un jour demandé à un ami sur Facebook parce que j'étais plus grand. Son père? Non, son frère. Ah oui, d'accord. Son petit frère, mais il joue au vénère, tu vois, un peu le guerrier. Il m'embrouille à chaque fois pour rien. Je sais pas pourquoi, je vais rien faire. Physiquement, ça passait pas? Non, ouais, je sais pas, il y avait un truc. Ouais. Comme ça. C'est souvent ce problème physiquement. Ben, ça passe pas, non, mais. Au pire, je parle. J'ai essayé de parler avec lui, mais il faisait la tête de coin à chaque fois, tu vois. Donc, ouais, t'as essayé de lui dire que t'étais sympa, etc. J'ai lâché l'affaire, c'était un con, mais. C'est pas passé. J'aime du standard. Ouais, moi, c'est quand je bossais l'été, tu sais, je faisais un petit boulot dans les fruits et légumes. Et le délire, c'est qu'il y avait le grand boss et notre, mon supérieur, quoi. Et en fait, mon supérieur, à chaque fois, il me donnait les petits travaux de merde à faire, du genre trier les fruits pourris. Ouais. C'est dégueulasse, t'en as plein les mains et tout. Ah, ça pue. Hein. Mais vraiment, ça pue de ouf. Ranger le frigo alors qu'il fait je sais pas combien de degrés dedans, tu vois. Ouais. En plus, il me disait non, mais prends pas de veste et tout, tu vois, ça sert à rien. Alors que dedans, il faisait trop froid, le mec, il me faisait la misère que les trucs pourris. Ouais, t'as senti qu'il se foutait un peu de ta gueule. Ouais, ouais, ouais. Une semaine, deux semaines, après, je vais voir le patron. Je fais bon, je suis gentil, mais bon, voilà. Ah, tu t'es barré carrément. Bah, je me suis pas barré, mais le patron, c'était un pote à mon père. Donc, ah, ouais, d'accord. Il aime voir cadrer. Le pistonné. Et après, t'étais plus sympa. Ah, ouais, t'étais comme ça, j'aime ça. Ouais, c'était un boulot d'été. Il y en a plein. Ouais, bah, si tu peux, t'as raison. Il a commencé à me faire bosser à 14 ans, donc c'était bien. T'as raison. Ouais. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Il t'a mis un peu la misère. Ah, ouais, lui, ouais, c'était énervant. Est-ce que vous avez des gens qui vous ont mis la misère, vraiment, qui vous font la misère sans raison hein? Ça peut être un voisin aussi, on a passé ah ouais, un voisin. Ouais, la garde des voisins. Ouais, ouais, par exemple, moi, c'est ma voisine. Ouais. Voilà, ma voisine, elle me fait la misère. Ouais. Je suis pris en sandwich par deux fils de pute, moi. Ah, ouais, au-dessus, une grosse connasse. Ah, ouais, c'est une connasse, mais. Je vous avais déjà dit, hein, mais BFM et la messe en latin, mais le matin, mais à 6h30, elle passe l'aspirateur. Et c'est très bien que j'entends tout parce qu'elle doit tout entendre. Ou alors elle est sourde un peu. Alors du coup, quand j'ai la chance d'avoir une nana, je peux lui dire je fais du bruit. Ah bah ouais. Ah. Alors là, vraiment. Ou met un porno phare en fait. J'en ai rien à foutre. Non, mais alors, vraiment. Et c'est horrible parce que moi, je suis hyper respectueux, je fais jamais de bruit et tout. Même la télé, je la mets pas fort le soir quand je rentre pour pas la déranger. Et elle, le matin, il faut pas. Enfin, elle s'en bat les couilles quoi. Et marche. C'est les appartements. J'ai l'impression qu'elle fait exprès de faire tomber des trucs. C'est possible, hein. Elle s'arrête pas, elle passe au-dessus. Il y en a, ils ont rien à faire. Du coup, je me dors avec des boules caisses et je l'entends plus, je l'emmerde, mais c'est vrai que c'est relou, quoi. Et dessous, il y a. Et en bas, putain, c'est une... y avait une vieille mamie qui est plus là, et maintenant, ces petits enfants, là, ils font des soirées. Et j'ai failli me battre plusieurs fois. Hein. Non. Ah, ouais. Mais non. Ah, si. Non, parce qu'en fait, les mecs, ils arrivent lundi soir, ils sont 50. Et donc, moi, les mecs, ils font la fête et tout, j'en ai rien à branler. Vraiment, je suis hyper sympa, en plus, moi, comme voisin. Putain, je suis meilleur voisin du monde, moi. Non, mais c'est vrai, en plus, j'invite tout le monde à boire des coups et tout, ouais, quand je fais les soirées et tout. Franchement, je suis sympa avec tout le monde. Voilà. Mais eux, par contre. Attends, le mec, lundi soir, il commence à danser le lac du Connemara à 2h du matin. Au pire, vas-y. Ah ouais, non. Rejoins-le. Non, mais ouais, ça me dérange pas. Ouais. Mais c'est juste que, à un moment donné, on est lundi, frérot. C'est la semaine, tout le monde travaille. Parce que moi, y a pas. Enfin, moi, pour moi, à la limite, c'est pas grave, je me couche tard, mais il y a des gens qui ont des enfants et tout, tu vois. Et les mecs, ils ont 18, 19 ans. À 2h du matin. Ils sont chauds, ils se pensent tout permis et tout. C'est mecs, ils sont appenés dans la richesse, quoi. Et donc, donc c'est de temps en temps intéressant d'aller leur tirer les cheveux. Ah oui, il n'y a pas de repère. Dans le couloir et de leur dire, enfin, oh, t'es gentil, tu vas baisser ta musique et je vais pas appeler la BAC, on va se ranger entre nous. Et là, ils sont en train de. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme. Et quand il commence, le Johnny Hallyday, oh Marie si tu savais. Non, mais vraiment, et l'autre jour, je lui dis, mec, il est 2h45, t'es en train de chanter oh Marie si tu savais. On est lundi soir, hein. Vendredi, samedi, ça me dérange pas. Lundi soir, ça dérange tout le monde et tout. Et personne n'ose leur dire parce que c'est des bandes et tout, ils sont beaucoup. Ouais. Ah, genre, ils font peur un peu. Dans mes yeux, moi, ils comprennent que je rigole pas. Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais je rigole pas. Exact. Bah oui, mais. Et je me mets à ras de son visage, ouais. Je lui dis, frérot, je vais pas redescendre deux fois. Faut faire le vénère. J'ai remis mon jean. Non, je parle très doucement. Sur deux soirs. Je lui dis, t'as vu, je suis très gentil et très doux. Mais ça sera qu'une fois. Donc je lui dis voilà, je vais remonter chez moi et la musique je ne l'entendrai plus. Faut lui faire peur. Voilà, il est 2h45, tes copains ils vont dormir et voilà, j'ai dit t'as sûrement pas travaillé pour gagner ton argent ni ton appartement, maintenant tu vas aller dormir, faire dodo, tu vas pas faire chier le monde hein. Les menaces. Non mais vraiment alors, attends. Alors, elle a fait des voisins, moi je sais très. Non mais attends, c'est pas lui mon voisin, c'est fils de pute le petit fils de. Non mais attends, à un moment donné. Voisin, moi je trouve que les mecs ils tapent dans les murs. Non mais parce que tu sais, il y a faire la fête et faire la fête comme des Mongols. Et là les mecs ils tapent sur les portes, ils font comme ça, tu attends. Ça fait vibrer mon assiette. Mais non. Que je laisse sur ma table. Alors que mon appart il est épais quand même, toi. Ça fait un séisme. Un peu, ça va, tu vois. Et là, tu dépasses l'appartement, toi. Ouais. Flo des cadeaux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te met la misère aussi? Eh ben moi c'est mon voisin aussi. Ah. Le voisin du dessous qui en fait je crois qu'il a pas de boulot. Et du coup, en fait, il fait la fête tous les soirs de la semaine, mais jusqu'à 6h30 du matin. C'est le même voisin que vous avez. Et là, en fait, il y a eu une grosse crise la semaine dernière. Il s'est mis à hurler dans la cour. J'ai une cour intérieure où il y a 4 immeubles, donc ça résonne, mais de ouf. Et il y a tous les voisins qui sont mis à la fenêtre, qui sont mis à hurler à 7h du matin. Il y a une voisine qui a pété un câble, qui était en train de frapper son volet à grands coups de je sais pas quoi. C'est pourquoi c'est ta résidence qui est des fous? Non, mais c'est le mec d'en bas qui abusait tellement. En fait, il faisait la fête dans la cour. Il était bourré peut-être. Et donc, il y a une voisine qui a pété un câble, elle était en train de frapper les volets. Lui, il l'insultait en portugais. Ah. Il lui balançait des carailles à 6h30 du matin. Et toi, pourquoi t'es pas allé, toi? Et bah, parce qu'il y avait déjà tout le monde. Tout il fallait que tu sortes. Et le lendemain, il y avait un mot sur sa boîte aux lettres et sur sa porte qui disait qu'en gros, une plainte avait été déposée, que des poursuites allaient être. Tu parles. Il y a un courant, tu peux faire. Non, mais ils ont affiché ça en gros sur sa porte et sur sa boîte aux lettres. Et il a arrêté depuis ou pas? Non, le mec, en fait, apparemment, ça a l'air d'être un peu un rebelle. Ah ouais? Et en plus, il est locataire, apparemment, il paye plus son loyer et son proprio veut le virer. Ah ouais, putain, c'est sympa. Ça, c'est en dessous chez toi, ça? Juste en dessous. Ah ouais. Il t'emmerde pour dormir et tout, le mec? Ah, mais en fait, dans la cour, j'ai l'impression qu'il est dans mon appart quand Ah là là, c'est horrible ça. Il y a 4 immeubles et ça résonne. T'as des boules caisses ou pas, non? Non, mais là, c'était par surprise. Ah ouais. Non, moi j'ai toujours une boîte de boules caisses. Ah mais c'est chiant ça. Je ne dors plus en boules caisses. Ah mais là c'était ouf. Hein. Ça gratte l'oreille. Ça m'a changé la vie quoi. Ah non mais je me suis réveillé d'un. Moi j'aime pas. Ah, et toi t'es pas allé. Vous avez jamais mis la pression à un voisin? Jamais vous êtes allé. Moi j'aime pas les coups de pression. Venez nous raconter, là, c'est marrant ça. Est-ce que vous avez déjà mis un coup de pression à un voisin? Je sais pas faire. Vous êtes déjà descendu dans la rue genre avec une batte et tout? Attends, il y en a tous les jours ça. Hein. Attends. De plus en plus. Flo des cadeaux lui il descend avec un saucisson et tout. Il y a des mecs qui font vraiment. Est-ce que ça vous arrive aussi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de descendre et de mettre un coup de pression à un voisin? Julia, est-ce que t'as déjà mis un coup de pression à un voisin? Moi, j'ai jamais mis de coup de pression parce que mes voisins ils sont de pression. Voisins ils sont plus âgés que moi, mais par contre eux ils m'en ont mis un sévère un jour. Ouais. Ah ouais. J'écoutais le bordel avec mes potes et tout, on mettait la musique à fond. J'étais chez mes parents, il y a un petit jardin et tout, donc dehors il y avait la musique à fond avec des petites enceintes et tout. Et ils sont venus, ils ont sonné, ils ont appelé les flics. Enfin, ils ont dit tapage nocturne. Il était 23h après 22h quoi. Bah 23h. Ah ouais. Bah après j'ai sympathisé avec les flics et tout. J'ai fait la est sympathique. Mais franchement, c'est j'ai toi qui foutais le bordel. Le bah ouais, je t'avoue. Il y a déjà quelqu'un qui t'a mis la misère ou pas? Ouais, alors ouais. Moi, quand je faisais du judo, encore une fois, en gros, il y avait une fille qui était. Ça, là aussi, elle a rien à raconter. Attends, franchement. Ça fait qu'une semaine qu'elle est là, j'ai l'impression d'avoir un bon marqueur. Je vous jure, il y avait une fille vraiment. Heureusement que t'as fait du judo dans ta vie. C'est moi qui raconte une histoire, c'est à base de judo. Ah, je non, bah parce que j'en faisais beaucoup, c'est pour ça. Je te crois. Il y avait une fille. Donc j'espère que t'en faisais beaucoup parce qu'elle n'en parle tout le temps. Il y avait une fille qui avait un gabarit au-dessus de moi parce que c'est par catégorie au judo. Et donc, franchement, elle me foutait la misère. Vraiment, elle était plus forte que moi. Quoi. Ouais. Elle me faisait chuter à chaque fois. Et elle, je sais pas pourquoi, elle avait une dent contre moi. Et à chaque fois, elle me prenait en randori, donc en combat. Et elle me défonçait, mais tout le temps, elle me faisait chuter de ouf et tout. Donc j'avais trop peur d'elle. J'ai été voir les profs en leur disant, franchement, c'est pas possible. Genre, j'ai mal, j'ai des bleus et tout. C'est pas possible, donc ils ont coupé. Et à chaque fois qu'elle venait vers moi, ils me séparaient quoi. D'accord, ok. C'était la bagarre quoi. Ouais. Ah, parce qu'en fait, elle se battait parce que c'est le but du judo. Ouais, c'est violent. Ouais. Non, mais normalement, si elle a volé, elle se bat contre toi, il faut pas qu'elle t'approche. Ouais, non, mais elle faisait du vrai judo et tout, mais super violent quoi. Ouais, mais après, c'était pas dans la même catégorie normalement. Ouais. C'est ouais, non, mais non, mais je croyais que c'était des ceintures moi au judo. Elle non a fait ça pleureuse, Julien. Il y a les ceintures plus les catégories. Oui. Le poids, et les Dan. Genre les très grands et les très gros quoi. Genre Teddy Riner quoi. Ouais, Teddy voilà. Riner, il est en plus de 100 kilos. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de catégorie pour lui. Ah, il n'y a plus de catégorie. Hors catégorie. Plus de 100 kilos. Putain, c'est lourd. Enfin, c'est bien, c'est les mecs qui sont. Elle va le soulever le mec. Le mec, ça va être une caisse en vrai. Ah bah oui. Oh là là. Teddy Riner, ça va être un bœuf. Mais il mange quoi lui? Parce que j'aime bien rencontrer Teddy Riner. Ah ouais. Avec son ça, il a une tête un peu de nounours, il fait sympathique, il fait sympathique. Il est jeune en plus. Enfin bon. S'il t'embrouille. Et c'est vrai qu'il fait un peu, si tête de mec sympa. C'est ça qui est jovial. Et après David Douillet aussi, hein, il fait ça. À moins. Si, lui, il est carré avec la mâchoire. Ah, les judokas, ils ont des têtes de mecs sympas en général. Ouais. Ouais. C'est un sport de mecs sympas, le judo. Enfin, quand même, c'est vrai. Ouais. C'est comme le badminton, genre y a pas de. C'est pas sport de caille quoi. Ouais, c'est vrai. Ou le volet. Patin, putain, le mec, gangster, arrête de ouf. Le ping-pong. Il fait du bad. Alors que le foot, moins. Attends, le ping-pong, ça dépend. Les mecs au ping-pong, ils ont pas des bonnes têtes. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais, non, attends. Et parfois, non, attends, t'as des mecs en Asie qui font des ping-pong, ils ont des têtes de méchants. Mais c'est parce qu'ils sont concentrés. Oui, non, mais bien sûr. Mais, non, mais bien sûr. Non, mais c'est sûr que c'est pas un sport non plus. Ouais. Il y a des judokas, je me battrais pas contre eux. Ah bah non, quand j'ai vu les chiots, là, il y a des têtes de. Ça là, putain, la vache. Bon alors, et donc toi, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon Benoît? On parlait des gens qui vous font la misère sans raison, là. Qu'est-ce qui t'arrive avant de te faire le nouveau jeu? Ouais, salut Guillaume, bon salut tout le monde. Bonsoir. Qui papa? Tous les jours une couille, où t'es mon dieu, où t'as pas de vol. PNL qui sort là. Ouais. Il paraît qu'il est énorme. Demain, après-demain, je crois. Je vous dis, alors là, je vais le télécharger direct. Enfin, payant, hein, bien sûr. Évidemment. Légalement. Et on va le diffuser à la radio, on le fera écouter direct. Hein. Pour les fans de PNL là. Bon, alors, Benoît, toi, t'écoutes quoi comme musique d'ailleurs, Benoît? C'est quoi ton style? Ah, sincèrement, si je vous dis mon style de musique, vous allez jamais me croire. Non, on raccroche pas au pire. Vous allez jamais croire que j'écoute Énergie. C'est vrai, non, pourquoi? Moi, je suis plus hard rock. Il est où le bonheur? Il est où? Comme ça, le hard rock comme ça. Il est où le bonheur? Il est où? C'est un peu dur ça. Non, voilà, après. Je suis fermé, moi je peux pas faire tes trop belles, tu m'as rendu fou. Non, t'écoutes quoi comme groupe genre de hard metal style? Non, en ce moment, je suis retombé sur du vieux metal, genre Metallica, genre tu vois, comme ça. Ouais, ça genre. À l'ancienne quoi. Voilà, tout à l'ancienne. Hey. Hey Doc. Hey Doc. Martin. Ouais. Donne-moi la main. Tiens la main. Et monte dans la DeLorean. J'arrive. Nous devons atteindre les 88 miles à l'heure avant d'arriver à l'hôtel de ville, à l'horloge là-bas. Il est loin l'hôtel de ville, c'est vrai. On va essayer de dépasser. Prends ta femme, Martha. Oui. Martha. Oui. Viens avec nous. D'accord, j'arrive. Monte à l'arrière et nous partons au temps des cow-boys. Ouh. Il faut que nous allons chercher le Doc. Ouh. Doc Emmett Brown. On va le délivrer, les cow-boys. Ah mais c'est déjà un mec qui se croit dans une BD. Quoi. On va le délivrer. D'où il nous sort le mot délivrer? Ah ouais, je sais pas, j'avais envie. Ah là là. Bon alors, mon Benji là. Déjà passé à la radio. Mon Benji, non, pas Benji. Ah, c'est mon Benji ça. Non, c'est non, mon Benoît. Benoît. Ben. Ben. Non, des puces là, je. Mon Benito. Des puces là ce soir, tu vois. Ouais, des puces là, première fois que ça passe à la radio, ça se dépucelle. Ça se dépucelle salement, gaiement. Salement gaiement, voilà. Eh ben enchanté, en tout cas. Merci beaucoup de ton coup de fil, ça fait plaisir. Bienvenue. Écoute, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui t'arrive, Benoît, alors? Ouais, alors moi je viens pour parler donc des gens qui ont mis la misère. Moi c'est mon beau-père, pas mon beau-père. Ouais. Légalement c'est mon beau-père, tu vois. Et puis donc du coup, c'est le mec qui rabaissait tout le temps et tout. La dernière fois il me disait c'était une larve, tu vois. Ouais. Tain, c'est des beaux-pères difficiles les gars. C'est un truc de fou, mais il croyait que j'étais un branleur, enfin tu vois le truc. Ouais. En même temps, j'ai jamais eu vraiment de bonnes notes à l'école. Et je m'en foutais un peu de l'école. Ça veut rien dire. Ouais, t'as mis un peu la misère, quoi. Mais c'est quoi, tu dis ton beau-père, voilà. C'est le mec de ta mère en gros. Voilà, c'est le mec son de nouveau ma mère, chum, en fait. Ouais. Et puis ils étaient pas, encore mariés. Il est comment physiquement, il est au niveau de ta mère ou il est moins beau? Non mais je peux pas comparer ça. Si tu veux comparer des fois. Non mais ça c'est énervant. Est-ce qu'elle le mérite ou pas? Non, je te jure. Non mais alors on est d'accord, non, on est d'accord. Moi tous les couples que je vois, je fais le mec qui est moche par rapport à la meuf. Non mais même tes parents, même tes parents. Moi j'ai des collègues, leurs parents ils vont pas du tout ensemble. Ça vous a jamais fait ça? J'avais jamais remarqué. Attends, réfléchissez aux parents de vos potes. Il y a des fois la daronne elle est quand même vachement plus belle, ou le daron parfois il est un peu beau gosse et la mère elle est vraiment dégueulasse. C'est jamais arrivé de faire des cadeaux? Si, ça m'est déjà arrivé, mais j'ai compris en fait, parce que des fois j'ai vu des filles qui étaient pas bien avec leur mari, enfin qui était moins bien, et par contre je les ai vus jeunes et j'ai compris pourquoi ils s'étaient mis avec. Ah oui, d'accord. Parce qu'ils ont changé. Quand elles étaient jeunes, elles étaient hyper jolies, et maintenant moins. Ouais. Julia, tes parents ils vont bien ensemble? Ouais, ça va. Franchement. Ouais, ils sont assez assortis, ouais. Ouais, ça va. Et ça fait, j'ai de la chance parce qu'ils sont encore ensemble. Et, ouais, c'est bien, attends. C'est rare et tout, franchement. Non, mais c'est une vraie question qu'on s'est posée. Là, je repense aux parents de potes parce que c'est vrai qu'il y a un débat. James, tes parents vont bien ensemble? Ouais, ça va, franchement. Ils sont assez assortis, ouais. Franchement, oui, ça va. Non, c'est vrai. Tu t'es jamais posé la question sur les tiens, tes parents? Ouais, ça allait. Mon père avait une meuf, j'allais dire une femme avant, ouais, ma mère, ouais. Et elle était mignonne avant, mais elle a changé en fait. Ah, ça lui est venu. Ouais, bah après, j'ai fait ce qu'il veut. T'as vu les photos d'elle jeune? Ouais, et je l'ai vue une fois en vrai il y a pas très longtemps, et ouais, bon, c'est sûr. La maman de ta sœur, ouais, de ta demi-sœur. Voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, elle était mieux avant. Elle était belle gosse, ah ouais. Elle a changé. Là, il y en a qui changent. Il y en a qui changent violemment. Ah bah oui. Il y en a pour qui le temps fait plus l'effet. Mais c'est vrai que après, tu choisis pas, ça dépend de ton métier, de ta vie, des soucis que t'as malheureusement, etc. Moi, c'est ma belle-mère qui me pourrit la vie. Salut, gros. Salut. Laisse ton numéro si tu veux en parler. Hein. Comme Claire qui appelle. Et Benoît. Hein. Benoît, tu t'es carrément battu avec ton beau-père au final, c'est ça? Ouais, voilà, ouais. Le jour de son anniversaire en plus. Oh. Ah ouais, il m'avait vraiment monté la tête. Tu vois, c'est un cadeau dans la gueule. Comment tu t'es battu avec? Bah, j'ai mis une patate et puis voilà quoi. C'est vrai, putain. Ah, t'es direct. Ah ouais, mais violent, franchement violent. Après, du coup, j'ai dû partir de chez moi. Je suis parti pendant un mois, tu vois. Ah ouais. Il a craqué. Mais genre, il te cherchait la merde H24, genre. En fait, c'est pas, tu vois, c'est vrai. C'est plus, lui, il est plus dans le rabaissage, tu vois. Il rabaisse les gens et tout. C'est un truc de fou. Il t'écrase un petit peu, petit à petit, psychologiquement. Voilà, ouais, un peu comme toi, Mélissa, hein, qui nous a appelé là. Exactement. Un peu, les beaux-pères qui vous mettent un peu la misère, quoi. Ouais, ça sert à quoi? Ouais. Je sais pas. Il y a des gens qui ont besoin un petit peu comme ça dans les familles. Non, mais c'est parce qu'il veut se rapprocher de sa mère, il veut écarter un peu les enfants. Leur petit chef. Il y a des familles un petit peu. J'ai besoin, t'as un truc d'intérêt à raconter ou pas? Moyen quand même. Voilà, alors. C'est là, t'es là, toi. Je suis le chasseur. T'es là, toi. J'ai demandé maintenant et j'ai fait ça. J'ai venir m'asseoir. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui, tout matin, hier, ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le même one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du les gens. À chaque fois que mes profs m'interrogent en cours, je deviens toute rouge, c'est horrible, et je sais que je me fais tailler par les autres, mais j'ose rien dire. Bonsoir Mélanie. Ah merde. Salut Mélanie. On va t'appeler ma chérie aussi. Moi c'est le mari de ma mère, ça s'est fini en bagarre le jour de son anniversaire. Appelle-moi, je vous raconte aussi. Alors, attends, c'est toi. Ah, les beaux-parents. C'est ton message, mon bénito. Et Claire hein, qui appelle du 6-2, c'est ça, du nord de la France. Enchantée Claire. Enchanté, bonsoir, salut. Salut. Salut, salut. Alors, on écoutera après. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est toi qui allais toute seule à la famille en or, Claire? Non. Bon, t'as gagé toute seule à la famille en or. Ils te prennent pas, du coup. Bon. Non, tu fais quoi dans la vie, toi, Claire, 18 ans? Moi, je fais actuellement la recherche d'emploi. Ah ouais, actuellement. Bon, t'as une jolie voix, Claire, en tout cas, là. Ouais. C'est bien, mignon. Alors, c'est bon ça. Mais bizarre, non, je rigole. C'est pas rigoler, je vais choquer. Elle me dit, putain, c'est quoi ce mec chelou. L'animateur, c'est qu'il met pas trop à l'aise et tout. J'avoue. Ah, putain. T'es contente de passer, ma chérie, première fois que tu passes à la radio? Oui. Ouais. C'est la première fois que je passe avec toi. Ah, t'es déjà passé sur une autre radio? Chez Koué. Moi, je suis même pas le premier, putain. Ouais, on l'embrasse, Koué. Enfin, bisous. Enfin, bisous. Non, putain, attends, merde. Qu'est-ce qu'il y a, JM du Standard? Je vais faire un bisou. T'avais un truc intéressant à dire? Ouais, ça, non? Non, non, non, c'est pas intéressant. Non, non, non. Mais j'avoue que moi, je l'aime tellement la nuit. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait passer l'ennui. T'aimes Gaspard, voilà, Mathilde du 7-3. Salut Gaspard. Salut Gaspard. Bon alors, Claire, t'as un mec, t'as un cum, Claire, ça fricote, ça se frotte. Non, moi, il m'a quitté la semaine dernière. Oh putain. Ah, merde, le bâtard. Il est parti pour quoi, le seul? Putain. Bah, apparemment, il n'y avait plus le sentiment. Ah, c'est vrai, ouais. Ça fait longtemps que vous étiez ensemble? 6 mois. Ah, ouais, c'est normal, les sentiments. 6 mois, c'est une très très longue relation. Ouais, bah. Non, mais c'est parce qu'il. 6 mois, c'est... Non, mais c'est parce qu'il a envie d'aller voir ailleurs, voilà, bon. Il va revenir. Ouais, je pense que ça. Ouais, t'es plus très amoureuse. Je te sens pas très amoureuse. T'es une femme libre. On sait quand même un peu, j'ai amoureux. C'est vrai, ouais. Tu le montres pas trop, quoi. Non. Ouais, t'essaies de garder la fa-fa-face, quoi. T'es un peu pudique. Ouais, voilà. T'es mystérieuse. Non, mais après, c'est pas grave. Hein. Et je vais te dire un truc, tout est écrit dans la vie. Ouais. Mais moi, je me dis, tout le monde dit ça, mais il m'arrive une misère. Et il est où le livre, alors? Je jure que je le pense. Je me dis, c'était écrit. Mais non. C'est pas un hasard. C'est trop facile de dire ça. Et il n'y a pas une chanson, c'était écrit, c'est pas un hasard. C'est Lignon. Non, non, c'est écrit, c'est pas un hasard. Ça me dit un truc, c'est. Et ben, je me dis que si, par exemple, j'ai un échec dans la vie, j'ai un échec amoureux, un échec professionnel, un échec de trucs, c'était écrit. C'est pour m'amener vers autre chose. Et puis voilà, le chemin est long. Ah, c'est une croyance. Hein, mon cul. Non, mais tu vois, Claire, non, mais franchement, en vrai, c'est vrai. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, j'ai le sondage. Ah, mais dans la roche, t'as tout écrit. C'est ah, pas bah voilà, hasard. Putain, ça me dit quelque chose. J'en ai écouté hier, c'est pour ça. C'était intéressant, plus que j'allais dire. Merci, j'ai besoin. J'ai besoin de le reparler que quand c'est intéressant. Si t'accroches pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. À l'ancienne, sniper. Dans ma chambre, tu sais, tout a changé depuis le 11 septembre. Mais pour vrai, c'est idem. Du kiff-kiff au final, t'as reconnu la voix que t'aimes. La même signature vocale, chacal à l'arrache. Du hip-hop sans complexe, tellement grave et dans la roche. J'allume mes clopes au silex. Riche, pas encore, toujours le même problème de flou. Cette maladie incurable, il soigne par pack de 12. Hey. Ma belle, y'a pire. Bâche-tu à la tâche, respire. La vie est belle, ça s'écrit pas VIH. Toujours le même salaud, dégueulasse, efficace. Rapace qui joue le beau, alias Tunisiano. Mon premier cassage de dos. Comme mes premières thunes, mon premier pas en studio. Comme le premier pas sur la lune. Les mêmes raclis, les mêmes cliniques pressentis. Orti, Zara Somroti ou Zokiati. Les mêmes histoires d'Alma. C'est le Guillaume, hey, à quoi la blague de Julien Stagiaire? Ah, on fait tourner les serviettes. Comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes. On pourrait l'essayer d'ailleurs, la blague de Julien Stagiaire. Mais c'est pas garanti. Claire, c'est pareil, t'as ton beau-père, il t'a fait la misère avant de faire le nouveau jeu des médecins là. Ouais, c'est ça. Il m'a frappé et en fait, ma mère, elle a pas accepté que je porte plainte contre lui, donc elle m'a mis à la rue. Elle t'a mis à la rue, non. Putain, c'est ouf. Ça, c'est pas. Mais c'est dingue, elle est beau-père, hein, franchement, là. Elle préfère son mari à toi, son mec. Il t'a frappé fort. N'importe quoi. Ouais, quand même. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Bah, il s'est étranglé, du coup, j'ai craché du sang et il m'a donné des patates. Non, c'est vrai? Il m'a tué, là. Pourquoi? Bah, parce que, en fait, on s'était disputé et comme, en fait, ma mère et mon beau-père étaient en train de se disputer, moi, j'ai voulu défendre ma mère et ça lui a pas plu. Mais il est alcoolique ou il a des problèmes genre à côté? Ouais, il est alcoolique. C'est vrai? Oh là là. Et ta mère, elle le voit pas, ça? Si, si, bah, ils sont souvent ensemble. Ils sont partis au Caraïbes la semaine dernière. Ils sont toujours ensemble. Ils vivent leur vie. Et t'as mis à la rue, là? T'es plus avec elle? Ouais. Et tu habites où? En fait, quand elle m'a mis à la rue, je suis partie chez mon copain. Et forcément, comme je suis plus avec, bah, maintenant, je suis chez ma sœur. Allez, oh là là. Putain, le bordel. Abusé, oh. Et ton père, il est où? Mon père, il est décédé. Ah merde, putain. C'était il y a longtemps? Il y a 11 ans. Oh là là. D'accord. Et putain, disons que ta mère, elle fait pas son rôle là. Hein. Ah ouais, c'est pas bien. Ouais. Ah ouais. Avoir un nouveau mari alcoolique qui frappe sa fille et puis qui a des reins et qui te met toi à la rue, franchement, c'est abusé. Il a eu des problèmes le mec vu que t'as porté plainte ou pas? Ouais, j'ai porté plainte. Non mais il a eu des problèmes ou pas? Bah, on sait pas. Pour l'instant, j'ai toujours pas de nouvelles de la

voilà, c'est pourri. Merci. C'est bon. T'as compris ou t'as pas compris? Deuxième. Continuez. Ah, c'est bon. Je fais ça toute l'après-midi. Allez. Voilà, c'est nul à chier. On est d'accord. Ouais, je suis d'accord. Non, mais on est d'accord ou pas? Ah ouais, je suis d'accord. Oh, c'est bon, tu vas faire un troisième ou pas? Oh là là. Allez, passe-moi ton poulet. Ah, continue. Merci beaucoup. Il est puni. Écoute ton poulet. Il est mort, le poulet. Le poulet, il a la tête en arrière maintenant. Il bouge plus. Allez, on se fait le nouveau jeu juste après. On sera le jeu des hôtels qui arrive tout à l'heure. Ouais. C'est avant la fin de l'émission. On vous file des cadeaux. Il y a des. Il y a quoi comme. Attendez, on va voir si Flo des cadeaux arrive à le prononcer. On a quoi comme cadeau ce soir, Flo des cadeaux? Il y a des Xbox One S. Ah, et quoi d'autre? Des PS4, et des tablettes Samsung Galaxy Tab E et des iPhone 7 pour le double I. Voilà, des iPhone 7 qui vont tomber. N'importe quand. N'importe quand. C'est dès qu'on entend Niash enchaîner à 21 Pilots. Mais d'abord, je me fais passer pour le médecin du village qui vient d'ouvrir son cabinet dans le village. Et on appelle une Madame Lopez. Ouais. Voilà, on a pris un numéro au hasard là au sort. C'est parti, j'ai le standard. Quand tu veux mettre le numéro, on y va. C'est bon, il est 22h57. On est vraiment en direct. Ouais. Hein. Il y a Lyon qui a joué en Ligue des Champions. Ils ont gagné 3-0 contre Zagreb. Pour ceux qui ont suivi le match, on est vraiment en direct à la seconde près. C'est ça. Allez, c'est parti. Je me fais passer pour le médecin de village pourri qui l'invite à sa pendaison de crémaillère de son nouveau cabinet. Et je lui fais croire que je peux faire des choses à distance, la guérir à distance. Et genre, si je lui demande d'aller pisser en direct, si elle peut aller pisser, j'entendrai sa pisse et je pourrais dire Céline, si elle pique. Enfin, genre des trucs qui n'ont rien à voir. Alors, on va voir si ça fonctionne. Hein. J'ai même mon poulet avec moi. J'ai déjà appelé, moi. J'ai déjà essayé d'appeler. Marre. De quoi, pardon? Allô? Allô, oui, bonjour. Bonsoir, pourquoi vous me dites ça, madame? Parce que ça fait deux fois que vous téléphonez que vous me répondez pas. Alors, excusez-moi, madame, alors il doit y avoir contrefaçon, c'est la première fois que je fais votre numéro. Ah, oui. Je suis bien chez madame Lopez. Vous êtes qui? Je suis médecin du village, madame, je suis nouveau médecin. J'arrive, donc j'ai ouvert mon cabinet à quelques rues à côté de l'avenue de la Rabasse. Oui. Et je me permettais donc d'appeler un petit peu les voisins pour les inviter à une pendaison de crémaillère la semaine prochaine. Ah non, oui. C'est pas du tout ce que vous croyez. Non, je suis désolé si quelqu'un vous a outragé, hein, vraiment. Merci d'appeler pour prévenir de votre venue. Ah voilà, en fait, voilà, mais c'est très gentil. Merci madame pour l'accueil. En fait, donc du coup, j'appelle tous les gens qui habitent à côté pour me présenter parce que quand un nouveau médecin arrive dans un village, vous savez, avec ce qui se passe, tout ça, on a toujours peur d'aller chez une nouvelle personne. Donc voilà, c'est pour me présenter, pour inviter tout le monde à boire un petit verre, comme ça on connaîtra les voisins, on se mettra une bonne et puis comme ça après on se connaîtra. D'accord, avenue de la Rabasse, à quel niveau, monsieur? Alors, vous voyez le gros carrefour, celui où il y a le stop? Oui. Je suis à 50 mètres de là. Vous êtes sur la tour du rempart? Exactement, vous connaissez bien, je vois. Oui, Richerin, je suis ici, oblige, oui. Donc on a une nouvelle technologie, d'ailleurs, qui va nous permettre au cabinet, non seulement de... Moi, j'ai étudié aux États-Unis, et donc je fais mes 10 premières années en province avant d'aller après à New York. Hein. D'accord. Voilà. Et donc j'ai une nouvelle technologie qui permet de calculer, en fait, si vous voulez, si vous avez un symptôme bizarre, de le calculer grâce au téléphone même, et si vous avez un petit souci par téléphone, vous pouvez m'appeler, et on peut faire une consultation téléphonique maintenant. D'accord. Par exemple, j'ai un logiciel qui permet de savoir, grâce au souffle que vous pouvez faire, de savoir si vous avez une bronchite, un truc comme ça, vous voyez, avec un logiciel. D'accord. Voilà. Par exemple, là, vous êtes chez vous? Oui. Allez dans les toilettes, s'il vous plaît. Je vais vous faire faire tirer la chasse d'eau. Je vais reconnaître un bruit. Allez-y. Ah bon. Alors, vous êtes dans les toilettes? Oui. Alors, allez-y, tirez la chasse. Ah, c'est bien ce que je disais, ouais. C'est bien ce que... Vous avez de l'eczéma? C'est une blague, en fait. Non, c'est avec le logiciel. Vous avez de l'eczéma? Pas du tout. Eh ben voilà, vous n'avez pas d'eczéma. Et vous n'avez pas de calcaire non plus. Parce que souvent, ça va ensemble. Mais j'ai entendu le calcaire. J'ai entendu que ça s'écoulait bien, et donc en général, quand ça s'écoule bien, il n'y a pas d'eczéma. Point d'eczéma, point de calcaire. Il y a calgon. Ah, d'accord. Voilà, j'ai mon infirmière, je vais vous la présenter, pour faire des promotions pour quand vous allez venir. Infirmière! Oui, bonsoir! Dites-lui la promotion qu'on offrira à madame si elle vient. Bonsoir, chère madame, pour tout torticolis détecté, nous vous offrons des photos de villes d'Italie. Allô? Ah, elle a raccroché là! Une promotion, madame. Attends, un deuxième ou pas? Appelle l'autre. Comment il s'appelle? C'est Mme Brion. Ouais, c'est ça. Mme Brion. Allez, on y va pour Mme Brion. 23h01. Ouais. Poulet toujours dans la main droite. C'est insupportable ce poulet jouer là. Allô? Allô? Oui. Ouais, madame Brion? Oui. Bonsoir, Madame Brion. Bonsoir. Bonsoir Madame Brion, c'est Bernard l'appareil, Ludovic Bernard, le médecin du village qui s'est installé chez vous là à côté. Vous savez, route de la Garde. Ah, je savais pas. Non, j'ai ouvert mon petit cabinet là, donc à côté, je voulais vous inviter à boire un verre, un de ces quatre là, avec votre mari si vous voulez venir pour des ondes crémaillères du cabinet. Ah, il y a un médecin, génial. Ah, voilà, faire connaissance, coquine. Alors, ça serait la semaine prochaine justement si vous voulez venir boire un petit verre. Non, c'est gentil d'appeler, oui. Ouais, ça vous dit. Et vous êtes où alors? Ah, bah, je suis route de la Garde aussi, hein. Face le stop, hein, face le panneau stop. Hein. Et d'ailleurs, je peux même faire des analyses, si vous voulez, par téléphone. Hein, si jamais un jour je vous expliquerai ça, j'ai la nouvelle technologie high-tech. Et donc, si jamais vous faites un truc que je vous demande par téléphone, vous pourrez peut-être. Ça, j'aurai les résultats qui arriveront sur mon ordinateur direct. Hein. D'accord. Voilà. Par exemple, posez le téléphone et parlez loin du téléphone pour tester votre voix. Je vais vous dire si ça va bien. Vous plaisantez ou quoi? Bah non, Madame Brion, attendez. Je vous fais une petite offre gratos, là. Je vous ferai pas payer, promis, qu'on viendrait. Ben je cherche à savoir qui c'est, mais j'arrive pas. Je vous dis, attendez, chantez, je vous dis si vos cordes vocales vont bien. Chantez, ouais. Chantez quelque chose. Attendez, j'arrive à être la voix. Merci Madame Brion. Merci Madame Brion. Alors, on vous la écoute chanter. La voix me dit quelque chose, mais j'arrive pas à mettre quelqu'un. Allez boire un verre d'eau et puis je vais vous dire si vous déglutissez bien. Et grâce à ça, je vais pouvoir savoir si vous pissez ou pas. Mais vous êtes toujours à pisser au lit, Madame Brion, ou pas, non? On se pisse dessus la nuit, Madame Brion, ou ça va? Ah oui, mais bien sûr, tout à fait. On se pisse sur le genou, ouais. Vu mon grand âge. Mais alors qui c'est? Là, c'est moi d'ailleurs qui me suis occupé de. J'ai fait traiter les tatouages de Mpokora, il a juste perdu sa couleur de cheveux en même temps. Ça m'étonne pas, oui, merci. Ouais. C'est moi qui ai injecté le sérum de vérité à Jérôme Cahuzac, hein, pour vous dire, je travaillais à la DGSI aussi. Hein. J'étais infirmier dans le service de gériatrie, je croisais souvent Emmanuel Macron venir voir sa femme. Ouais, c'est tout. Bon, bah alors c'est qui? Je veux pas savoir qui c'est, ça m'énerve. C'est moi qui ai sorti un livre, c'est peut-être pour ça que vous me reconnaissez. Je suis passé chez Ruquet déjà avec mon nouveau livre, là. Erreur médicale, le best-of. Ah, mais voilà, on y est quand même temps. Voilà, bah sûrement alors. Hein. Voilà, c'est ça. J'ai sorti en fait. Aussi, on nous fait y être quand même temps. J'ai sorti la suite de Bistouri sa mère. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, je m'en souviens très bien maintenant. On y est quand même temps. Avec Dominique Strauss-Kahn, j'ai sorti Picouz et Partouz, mais enfin, c'était pour un autre dos. Et ensuite, alors je vais vous dire, je me permets de vous parler de mes livres, hein, mais j'ai signé aux éditions Flammarion la chirurgie cardiaque à un lendemain de cuite. Et je peux vous dire que ça a fait un carton. Ça y est, c'est fini, maintenant, et en 2009, alors je peux vous dire, j'ai sorti un autre livre, c'est-à-dire un carton absolu, se toucher sous sa blouse sans se faire choper, c'était aux éditions Livre de Poche. Un carton absolu. Vraiment, hein. Vraiment. Alors, je vous dis, Ludovic Bernard, médecin sans frontières. Oui. De l'autre côté. Je vais vous dire un truc, hein, Bernard. Moi, je suis maître SM en plus d'être médecin, donc vous prêtez pas attention si vous voyez des gens nus en laisse, hein, dans le cabinet, c'est normal. Hein. Oui, mais je me kiffe. J'ai une distillerie illégale à l'arrière du cabinet, on fait de l'alcool à 110, hein. Même les Russes, ils veulent pas en boire. Hein. Ah, par la source, c'est comme la conduite, je suis meilleur quand je suis bourré, moi. Un même Brion là. Ouais, alors la voix me dit qu'elle est. Bon, puisque vous m'êtes sympathique, mais... alors Bernard, vous n'allez pas faire genre vous allez me chercher. Je vais vous passer tout de suite mon infirmière, vous donner une promotion, comme ça vous n'allez pas venir pour rien. Allez, infirmière, dites ce qu'on peut offrir. Alors, Mme Brion, pour toute chaude pisse, on vous offre une bouilloire afin qu'il n'y ait pas que votre pisse qui soit chaude, mais aussi l'eau de votre thé. Voilà. Est-ce que ça vous va? Oh, très très bien, ouais, mais alors je sais pas du tout qui c'est. Bon, alors mettez-vous des fessées pour que j'entende les dents de votre peau, des fesses, hein, voilà, je vais vous dire. Ah, mais, Madame Brion, vous voulez vous soigner ou vous voulez pas vous soigner? Non, pas du tout, en plus j'attends un appel urgent, j'aimerais bien savoir qui c'est, mais bon. Merde, hein. C'est moi qui ai, je vais vous dire un truc, parce que c'est bon, je peux me permettre de le dire maintenant, c'est moi qui ai donné caché à Nicki Minaj pour sa voix, hein, ça marche bien. Sur l'effet secondaire, c'est que ça fait un peu gonfler son cul, mais enfin. C'est Je suis sponsorisé par Coca, c'est parce que j'utilise le Coca pour désinfecter les plaies, moi. Non, mais quand je dis que j'attends un appel, Bah, moi aussi, j'attends un appel à un Brion, là. Ben donc, j'aimerais bien me te voir qui. Voilà. Reconnaître qui c'est, mais. Alors, bon, attendez, parce que je dois opérer un patient pendant que je suis avec vous, excusez-moi, mais enfin. Voilà, donc je peux pas passer non plus toute la journée avec vous, je dois découper un orteil d'un patient. Vous devrez continuer, monsieur Philippon. Bonsoir, monsieur Philippon. Asseyez-vous, monsieur Philippon, oui. Voilà, je m'assois là. Allongez-vous, monsieur Philippon. Hein. Okay. Fermez les yeux, monsieur Philippon. Les yeux sont fermés. Je vous mets une petite claque dans la nuque pour vous anesthésier. D'accord. Et puis ensuite, on y va, d'accord. Attention. Allez, petite claque dans la nuque. Voilà, il dort et on y va. Moi, je vous conseille de prendre un papier, d'écrire tout ce que vous dites, parce que, franchement, vous avez une bonne chat. Hein. Attendez, alors, Mme Brion, je veux dire, j'ai un livre d'or en plus chez moi, vous avez de la chance, Mme Brion, c'est votre soeur de chance. Hein. Vous étiez à la carte de chance à la bonne période. Vous m'excusez, Eh, je vais vous dire un truc. Madame Brion, on m'écoute une seconde. Madame Brion, deux minutes. Je vous dis un truc parce que j'ai une petite livre d'or, vous pourrez même vous-même laisser un. Voilà, alors c'était rigolo au début. Je vais vous dire un truc, moi. C'était rigolo au début, là, c'est un peu. Ça devait être lourd. Madame Brion, comment c'est désobligeant, Madame Brion? Vous allez m'obliger à vous opérer de force, Madame Brion. C'est pas grave. C'est vous, bon, mais... j'ai vous coupé un orteil, Madame Brion, alors vous m'écoutez bonne une seconde. Bonne soirée. Et quand je lis le livre d'or. Bonne soirée avant. Il y a un message pour vous, Madame Brion. Il y a un message pour vous. Oh non. Il y a un message pour vous, Madame Brion. J'avais un cadeau pour vous, Madame Brion. Je suis très déçu. Mon infirmière a une autre promotion, Madame Brion. Oui, Madame Brion, restez avec nous, s'il vous plaît. Si vous venez pour faire traiter votre acné, nous vous offrons un lot de calculatrices pour que vous en distribuez une à chaque personne qui vous fera la blague. Et Madame Brion, venez chez nous. Madame Brion, je sais que vous êtes là. Alors, je vais vous lire le livre d'or, d'ailleurs. Ça parle de vous, là. M'appeler enfin cicatrisé. Merci, comme quoi c'est vrai que le vin rouge est plus efficace que la bétadine. Vous voyez, les messages. Très cool comme cabinet. C'est la première fois qu'un médecin garde la main dans son caleçon quand je me déshabille pour qu'il m'ausculte. J'aime beaucoup ce médecin. Je me demande si le toucher rectal pendant ma crise d'asthme était vraiment obligatoire. C'est la meilleure consultation que j'ai eue. Celui de ma femme a duré un peu plus longtemps. Et elle a dû avoir mal parce qu'on l'entendait beaucoup crier dans la salle d'attente. Madame Brion est partie. Ah, dommage. Je sens que je n'ai plus. J'arrive pas à mixer les deux. C'est un métier DJ quand même. Tu vois que mixer deux titres, c'est chaud. Joule après. Je garde la foi, je suis le chasseur de la proie. Ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. Bon, si vous voulez venir, Guillaume et votre message aussi, sont se dose les mecs. On fait de la radio ensemble. Hein. On se fera des appels de phare pour ceux qui sont en voiture d'ailleurs. Tous les routiers, tout ça, si vous voulez vous faire des appels de phare dans deux minutes, on le fera tout à l'heure avec plaisir. Il y a un teubé qui a braqué, vous avez vu à Nantes là. Il y a un teubé qui a braqué son propre hôtel dans lequel il dormait. Mais non, c'est une blague. Et en fait, après, il est monté à sa chambre. Donc mais forcément. Non, c'est si, vous avez pas vu l'histoire. Hein. Vous l'avez vu, James Sondard? Ouais, je l'ai vu. C'est pas possible. Mais c'est pas vu cette histoire. Il est quoi à ce point là, non, alors le champion du monde des teubés. Ouais, c'est ouf. Tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu les notés côté de chez vous. Et l'homme âgé de 24 ans, il avait plus d'argent. Et en fait, forcément, il y a la vidéosurveillance et tout. Donc le veilleur de nuit, il a expliqué qu'il s'était fait braquer à la main armée par un client de l'hôtel. Et il rentre dormir. Qui est rentré dans la chambre, quoi. Donc il a appelé les flics, il a dit voilà la chambre juste là, il y a un mec qui vient de me braquer avec un flingue et qui vient de me voler. Donc voilà, c'est West France qui a mis l'article. Il a pris 224 euros le mec. Et il va prendre plusieurs années de prison ferme. Pour 224 boules quoi. Comme quoi pour rien. Ah c'est vraiment cool quoi. Et c'est énorme quoi. En fait il a volé le portefeuille du vigile en plus. Il a dit donne-moi ton portefeuille et dans lequel il y avait attention 4 euros. Je sens que je n'ai pris. Donc, ah, bien fait. 220 plus 4 euros. Alors, ça fait 224 euros en tout. Et donc voilà, donc le mec il a été arrêté, puis il fera plusieurs années de prison ferme pour braquage à main. C'est con quand même. Hein. Ouais. Bah, oui. Salut Guillaume, je te suis avec Baba tous les soirs, j'ai 12 ans. Salut frérot, c'est gentil ça. Salut. Je m'appelle Antoine Bonan, j'ai 19 ans, je t'écoute. Et ça me remonte vraiment le moral, surtout ce soir. Je me suis déboîté le pied, fracture de la malléole. Oula, hier au la malléole, ouais. Résultat, plâtre, opération prévue. Merci pour, et j'ai pas la suite de ton message. Mais je t'embrasse frérot, merci, bon courage à vous hein, si vous êtes pété le pied là. On fait de la radio ensemble hein. Si vous voulez me balancer un message, si vous voulez qu'on parle, si vous voulez nous raconter un truc, si vous voulez venir raconter un moment de votre vie, un truc marrant qui vous est arrivé ou une galère, bah on est là, on est à l'antenne, on fait de la vraie radio à l'ancienne. Donc c'est gratuit hein, depuis le standard. Si vous nous appelez sur un fixe 0800 70 42 48 là vous m'appelez avec plaisir. Et par texto, Guillaume au début, avec votre texto aussi 11-12 là. On va reparler de Fion après hein, Ah oui. Pour ceux qui veulent en parler, je vois que vous êtes en masse. Mais il y a juste Émilie Manuel là. Bonsoir, tu m'entends Émilie Manuel? Oui, bonsoir. Bonsoir Émilie Manuel. T'appelles de Castres hein, c'est ça, dans le 81? C'est ça, dans 81. T'as un mec 81, Mini Manuela? Oui, oui, bah oui, justement. C'est pour ça que je vous ai fait une dédicace pour le 8e RPMA, vous l'avez trouvé, c'est bien, vous êtes bien renseigné. Pourquoi? Pour la dédicace pour le militaire d'infanterie. C'est qui est militaire, Mini Manuela, dans ta famille? Bah, le copain, justement. Ah, ton ex? À Castres. C'est ton ex? Mon conjoint. À ton mec? Non, c'est mon mec actuel. Ah ouais. C'est pas facile à dire, Émilie Manuel. C'est espagnol. C'est Émilie Manuela. Émilie Manuela. Émilie Manuela. Je peux pas m'insulter. Ça sonne espagnol. Une grosse dédicace à toute l'Espagne, oui. Déjà. Ouais. Est-ce qu'on parle de la chatte de Afida Turner dans le Magmag ou pas? Apparemment. C'est choquant. Ah, c'est, elle exhibe un peu là. Je me désolidarise d'Energy 12 immédiatement. Ah ouais. Mais c'est fait exprès ou pas? C'est fait exprès. Tu crois quand même pas. Tu poses la question. Et dans ce cas-là, pourquoi ça n'arrive pas à Céline Dion, si c'est vraiment une erreur? C'est comme Lyon, par hasard à elle que ça arrive, quoi, tu vois. Peut-être parce qu'elle va pas dans le Magmag. Ah aussi. Elle a une culotte, je pense, madame. Non, mais au-delà de ça, en plus, c'est vraiment parce que tu sais que je pense qu'elle va y faire parler. Tu vois tout vraiment. Mais c'est. Tu l'as pas vu qui a vu la foufoune à Fidel Turner? J'ai vu le standard. Je l'ai vu. Et alors? Et alors, c'est pas bon. Ah, si, ça va. Ah, moi, je veux la voir, moi. Ah, je fais le mec, j'ai regardé deux fois histoire de voir si c'est vraiment. Franchement, ça va. Ouais, non, ça non, il a pas une foufoune à exploser. Hein. Bah, après, on voit pas grand chose. Je suis pas zoomé non plus. Non, mais c'est clair. Si, on voit. C'est bien le. Qu'est-ce qu'il y a, Flo des cadeaux? Si, si, on voit bien. En fait, elle a voulu refaire la scène du film Basic Instinct. Ah, ouais, d'accord. C'est grâce à ça que Sharon Stone, elle a été connue. Ah, ouais. Pour ça. C'est la scène où elle décroise les jambes et on voit le truc de Basic Instinct. Sharon Stone, envoyait sa chatte aussi. Ouais, ouais, non. C'est ça qui l'a rendu connue. Ah, ouais, d'accord. Elle est chic, elle. C'est marrant, comment. Quoi? C'est quand même plus facile d'être une femme et d'être connue. Ah, ouais. Nous, si on fait ça. Je suis assez cher, c'est mon chat. J'ai pas de chatte, donc ça va. Non, tu l'as vu la chatte de Fidel Turner, j'ai assez cher. Non, je vais la voir. La moumoute, non, t'as pas vu. Non, je vais taper direct là sur Google. T'as pas vu? Ah, non, je vais direct, je vais halluciner partout. Julien, je suis gentil. Moi, j'ai vu les poils et tout, c'est horrible. C'est vrai. Elle a des poils? Non, ticket de métro. C'est bien ça. Ouais, ça va. Non, non, franchement, ça va. Je m'attendais à pire. Hein. Je me suis dit. Attends, elle a fait exprès. Bah oui. Au début, je sais pas à quoi ça va ressembler. Quoi. Flo des cadeaux, tu as vu, toi? Ouais, je l'ai vu. Bah, c'est Julien qui me l'a montré. Bon, ça va, non? Ils ont mis un truc non, dessus ça va, pour mais, moi, là. Mais c'est... justement. Ouais. Évidemment que c'est fait exprès, ça soit sur la table. Bien sûr, elle fait exprès. Elle voulait montrer sa touche. Et c'est dit, tiens, ce soir, je fais un buzz. Elle sait qu'elle a pas de culotte. Et en plus, en face, la caméra. Bah oui, c'est vraiment en pleine face, quoi. Ouais. Attends, il y a quoi, là? Lille, 19 blessés lors d'une soirée lesbienne, le DJ avait passé à la pêche aux moules par ailleurs. Ah oui, d'accord, ok, la voix du Nord. Okay. C'est, en fait, c'est, le, c'est l'envoi du Nord, en fait, c'est des sites parodiques. J'ai déjà été mon con qui croit qu'une dite bite, c'est pour agrandir. C'est... Merci beaucoup à une toi. Une dite bite, c'est bien. Bon, on va prendre vos réactions. On va parler avec toi, Émilie Manuel. Là, on va se faire du cul, du cul, du cul. le juste prix. On a quoi à offrir, Flo, des cadeaux ce soir? Alors, il y a des Xbox One S, des PS4, des tablettes Samsung Galaxy Tab. On a quoi? Des Xbox One S. Voilà, exactement. Bravo. On se steak et Justin Bieber, on s'était pas écouté encore. Non, mon gars. Let me love you, juste après, je vous file les cadeaux. On se fait Xbox One S et PS4 avec des tablettes Samsung Galaxy Tab E. Il y aura des iPhone 6S, des iPhone 7, pardon. 7, ouais. Des iPhone 7, on les file cette semaine. Ouais, c'est ça. Il tombe quand le W8 j'aime le standard, vas-y, direct. Il reste que deux jours. Il reste que deux jours, donc il tombe quand vendredi. Oh putain. Ah, la balance. Vendredi, les frérots. Non, mais passez-vous le message, j'offre le premier iPhone 7 du monde. Ouais. Non, mais c'est pas une vanne. C'est historique. C'est énergie, on les a là. On vous les file, on vous les file. Qu'est-ce qu'il y a, j'ai le standard? C'est soit l'iPhone 7, soit les places. Ah, iPhone 7 ou place 21 Pilot. D'accord, ok, très bien. C'est l'iPhone 7. C'est les places 21 Pilot. Faut savoir. Ça, très on bien. Le saura l'iPhone 7. Ah, on le saura le jour J. Dans l'enveloppe. Ouais. Très bien. Bon, en tout cas, on va offrir le premier iPhone 7 du monde vendredi soir. Donc, soyez avec nous. Hein, 22h à minuit, tous les soirs, on se fait snack et Justin Bieber sur Energy. Gardez le meilleur pour la fin. Les deux dernières heures de la journée, c'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit. Allez, sur Énergie. Allez, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she said, ça va. Salut les potos, je m'éclate avec des conneries de 22h à minuit de Elvis, les transports James International, la Manche. Salut les gars. Bonne route. Salut Guillaume, je suis en 3ème et tout. Bon courage les frérots. Hein, pour, si vous êtes en étudiant là, bon courage à tout le monde. Hein. C'est au collège ou quoi. Si vous voulez balancer des dédicaces pour votre classe d'ailleurs, vous pouvez y aller hein, les mecs, hein, on les lit. Hein. Ouais. Juste un petit texto, vous me balancez ça par texto là. Guillaume et votre petite dédicace au 611-12 et je le lis avec plaisir. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume Sandard? Dans la chanson, il dit bonjour madame en fait, le mec. Ah, c'est vrai, ouais. Ah ouais, il test my French avant. Ouais, ah t'es bon, don madame. Ah ouais, il fait ça, ouais, c'est énorme. Ah, ouais, t'es bon, don madame. Salut Guillaume, salut Frédéric. Je m'appelle Frédéric, je t'écoute tous les soirs et je voudrais passer dans ton émission un jour. J'espère que tu me feras une dédicace. Évidemment, avec bah plaisir. Oui, salut Héricourt aussi, voilà. Double hit, double beat dans le cul de gestagiaire. C'est le routier. Lui, ouais, c'est la double beat de gestagiaire. Ah, ouais. Il n'y a pas double beat. Avant de se faire le cucu, Émilie, Manuela, Nathan, de Paris aussi. Bonsoir, mon Nathan. Tu m'entends, Nathan? Salut. Salut, ça va ou quoi? Salut. Tranquille. Salut. 13 ans, Paris. Dans quel arrondissement à Paris, Nathan? Paris 13e. Paris 13e, 13 ans. Paris 13. Très bien. Le quartier chinois. T'es où exactement dans le 13e? Place d'Italie. Ah, bah ouais, voilà. À la base. On est en plein dedans, là, dans le sud de Paris. Sympa le 13e. C'est ça. Ouais. Bon, j'aime bien ce quartier, c'est vrai, bel arrondissement. J'aime bien, ouais, ça. Il y a une vraie chaleur dans le 13e. Ouais. Bon, il ouais, y a beaucoup de Chinois aussi. Ouais, exactement. Bah, c'est pour ça que ça s'appelle le quartier. Ouais, bah, ouais, c'est bien. Exactement. T'habites dans une tour là où il y a beaucoup de Chinois? Non, j'habite pas aux Olympiades. D'accord, ouais, ah, parce qu'il y a les grandes cités d'Asiates. Hein. N'empêche, il n'y a pas de délinquance du tout là-bas, je crois. Il y a le centre. Ouais. Non, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est vrai, c'est ouf, hein. c'est dingue. Ah bah ouais. Hein. Bon, ils arrivent à tenir le dos. C'est vrai. Hein. Et dans toutes les grandes villes, il y a des quartiers. Ah, comme ça. Ah, ouais. C'est ouf, ah, c'est vrai, il y a les quartiers chinois. Ils se mélangent pas trop. Ouais, il y a les quartiers, toujours un quartier chinois. Ouais. Chinatown. Merci. Chinatown. Stéphane Bernanou. C'est vraiment les quartiers chinois. Comme disait Louis XIV de Chinatown. Merci beaucoup. Nous sommes en direct sur Radio Histoire, avec Petrucina, notre spécialiste. Spécialiste historique, bonsoir Petrucina. Oui, bonsoir, je suis Petrucina et toujours ravie d'être avec vous à l'antenne ce soir. Nous allons faire un point barre sur l'histoire des Asiatiques en Europe, avec notamment le quartier Chinatown au sud de Paris et de New York après. Oui, tout à fait, le quartier Chinatown à Paris a été découvert en vrai par Christophe Colomb, qui n'a pas découvert l'Amérique, mais Christophe Colomb a découvert Chinatown en 1492. C'est marrant, Chinatown. Ouais. Ah là là, c'est bon ça. T'es déjà passé avec nous, Nathan, dans le 13e ou jamais? Non, pas du tout. Sérieux? Oh là, putain, c'est bon sang. C'est bon ça, passe-moi ton canard. Je vais faire le vrai débat. Ah non, il est à la poubelle. Ah, il me saoule là, depuis tout à l'heure. Il va aller chercher après. En fait, le mec, il est lourd. Si tu donnes un truc dans la main qui fait du bruit, t'es fini. Ah bah oui. Bon, Nathan, alors, excuse-moi, frérot. T'es en quelle classe du coup là? Je suis en 3ème. 3ème, ça va, ça se passe pour l'instant les cours? Ça va. Ouais, t'es dans quel bahut, Paris? Je suis à Rodin. À Rodin. C'est bien comme bahut, ça va, c'est tranquille. C'est Louis Rodin? Ouais, ça va. Pas les couilles, c'est Louis. Non, mais je crois que je connais en fait. Mais qui parle surtout qui sont pas. C'est pas intéressant. Ah, Ça va. En tout cas, Nathan, tranquille ou quoi? Et tu connais depuis quand l'émission? Ça fait 4 ans, depuis que je suis arrivé en 6ème. D'accord, ok. Ah ouais, putain, c'est sympa, merci beaucoup. Et t'étais jamais passé à la radio? Non, jamais. Bon. J'ai essayé, mais voilà. Sérieux, y'a les potes qui écoutent ou pas? T'as prévenu ta classe? Non, mais je sais qu'il y en a qui écoutent. J'ai pas prévenu, mais je sais qu'il y en a qui écoutent. Vas-y, dédicace au poteau, là, s'il y en a qui reconnaissent Nathan de Rodin, dédicace dans le 13ème, là. Il est 23h20. D'abord, on va jouer au juste prix en 2 minutes. J'ai une Xbox One S à vous offrir ce soir, ou une PS4. Voilà, s'il y en a qui veulent l'un ou l'autre, c'est maintenant. Vous envoyez juste Guillaume et le chiffre au 6-11-12. On se fait un juste prix. Je vous dis si c'est plus ou si c'est moins. Et le premier qui me le trouve, le chiffre, c'est pas compliqué. Ouais. Ça va aller vite ce soir, je vous préviens. Ah. Ça va aller très très vite. Guillaume et la bonne réponse au 6-11-12. Voilà, vous m'envoyez Guillaume. Un espace, toujours Guillaume le texto. Vous mettez le chiffre que vous pensez avoir trouvé avec votre numéro de téléphone dedans, au 6 11 12. Allez-y, c'est parti. Il y a Jérémy. Alors attends, voilà, j'ai le chiffre ici, je le marque sur ma feuille.

De la journée, c'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Allez, sur Énergie, bon courage à tous là. Salut Guillaume, c'est qui ton youtubeur préféré? Ah là, alors bah, j'en ai plein, moi j'aime bien. Enfin, tu veux dire humainement ou que je regarde les vidéos c'est, parce que nous on a reçu déjà Norman, Squeezie, ouais. Cyprien, ça c'est des potes. Le Rire Jaune, j'aime ouais. beaucoup. John Rachid, ah, il est fort. Très drôle. PV Nova, très fort aussi. Il y en a plein que j'aime bien un peu. Il y a des gamers aussi, moi j'aime bien un peu ce qui est gaming. Voilà. JMZA, ton youtubeur ouais. préféré? Ouais, franchement, c'est Cyprien. Voilà. Moi j'aime bien Mister V aussi. On l'a reçu, ah, on a ouais, beaucoup ouais. rigolé avec. Il est fou, il me regarde. Mister V, Ludovic, ouais. ça sent marrant. Loop Gang et tout. Mister ouais. V, il est très marrant. Ouais, Hakim Jemilis, ouais, aussi, ouais. qui est ouais. à TPMP avec moi ouais. aussi d'ailleurs. Ah oui, il est fort. Je vais t'agir ton youtubeur préféré. Bah, Mister V, parce que je suis pas très YouTube, mais je l'ai vu dans Camping 3. Ouais. J'adore, depuis j'adore en fait, voilà. Grâce à Camping 3, j'adore les D'accord. vidéos qu'il fait. Ah, c'est débile, mais. Il est limite en train de bafouiller, ouais, bah ouais, c'est ouais, le problème. Limite, mais ça passe. T'es un peu la timide, je sais. Non, je suis pas ouais. timide. Ah là là. Flo Decalo, ton youtubeur préféré? Moi, j'aime bien un mec qui s'appelle Matt se fait des films. Il est pas très connu, mais je le trouve très drôle. Ah, c'est j'aime bien ouais. le Il fait des drôle, films. Non, il est drôle. Il est marrant, il est belge. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah, c'est bon, on l'embrasse alors. Comment tu dis? Matt se fait des films. Matt se fait des films. C'est quoi le principe? Bah, en gros, il refait des films à sa sauce. Il fait des sketchs à partir de ça, il est assez drôle. D'accord, okay. Julia, ton youtubeur préféré? Moi, c'est Antoine Daniel qui fait What the Cut. Ah ouais, ouais. Très très drôle. D'accord, ok, bah on l'embrasse. Hein. Bisous. Salut Antoine Daniel. Salut, amicalement. Salut, amicalement présentement. Salut. Il est sympa Antoine Daniel ou. Bah, je connais pas. Il se la raconte ou pas Antoine Daniel? Non, ce genre vidéo, de cum là, est-ce que ça raconte un peu dans la rue? Est-ce ouais, que ça... un peu quand même, non, je sais pas. Je ah, pas c'est une vraie question ça. Est-ce que les mecs se te touchent un peu ou sont sympas? Pas l'air, je trouve. Pas l'air. Non, il a une tête normale. Bon, bah salut. Big up, big up, big up. C'était ce son-là, je vous l'ai envoyé quand même auparavant. Et juste au-dessus. Big up. Voilà, pour vous expliquer, c'est pas celui-là qui est parti. J'adore Matt se fait des films aussi. Ah, c'est, tiens, c'est qui vos youtubeurs préférés là sur Twitter sur par texto là, Guillaume et le nom. Juste pour savoir un peu s'il y a des nouveaux là qui déchirent. Quel est les nouveaux youtubeurs qui défoncent un peu la nouvelle vague là? Si vous voulez qu'on en invite un peu dans l'émission là, s'il y a des mecs qui vous feraient plaisir d'entendre. Emily Manuel là, qu'est-ce que t'aimes bien comme youtubeur toi? Ah, Seb Lafrite. Seb Lafrite. Ah, ouais, ah ouais. Putain, mais j'ai oublié. Ah ouais, il est drôle. Ah, mais j'ai oublié Seb. Oh, on l'embrasse, c'est mon rigolo, copain. Lui. C'est mon poteau. Ouais. Seb. Andy raconte aussi. Hein, ouais, belle. Un bisou. Elle a autre chose, c'est-à-dire que. Non, mais je voulais dire, mais moi je regarde. Elle est drôle, elle est jolie aussi. Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'aimes bien, toi, Nathan, comme youtubeur? Mister V, j'aime bien. Ouais, c'est ton besto. Il est foufou, quoi. Ouais, c'est le mec que ouais, tu préfères. J'aime bien, il est marrant, il est drôle. Y a un mec à qui t'es abonné, que t'attends vraiment les vidéos à chaque fois? Kikaninak, mais il fait des vidéos de moto, lui, par contre. D'accord, ah ouais, bah c'est ah bien, ouais. Bah ça change, hein. Le monde à l'envers, ouais. Ils sont énormes. Guillaume et Kim, j'adore. Ah ouais, Guillaume et Kim, ouais. J'adore les vidéos de paranormal. J'adore Zerator aussi. Ah oui. The Kairi 78, il est juste énorme. Il y en a qui doivent balancer leur propre. Ouais, ouais, évidemment. Moi j'adore Galax, c'est un youtubeur gamer. Moi c'est Maxou le pilote, un gamer sur le sport auto. Salut Gwenaël du 49. Salut. J'aime beaucoup Jiraya, moi Benjamin, salut Benji. Moi c'est Maxou le... Attends, moi c'est Jimmy Labeu. Ah Jimmy Labeu, ouais, aussi, ouais. Ouais. Il sort un film Jimmy Labeu, non? Il est sorti déjà. Ah il est sorti. Il était partout en affiche. Ah il est sorti, ouais. Et alors ça a marché ou pas son film? Aucune idée. Moyen. On n'a pas trop entendu parler. Mais c'est bien qu'ils essayent, moi je suis content. J'aime bien que moi il y a des nouveaux qui arrivent là, ça fait plaisir. Ça change un peu. Toujours les mêmes là. Il joue dans Tamara, le prochain film avec Ryan Bensetti. Ah, c'est vrai, d'accord. Tamara. Jimmy Labeu, ouais. Ah, ben on embrasse Ryan Bensetti qui sort son film Tamara. Ouais, ben ils sont dedans. Exactement, exactement. Il sort son film, c'est quand qu'il sort son film? C'est en octobre, non? Ça doit être dans pas très longtemps. Ouais, c'est ça, je crois. C'est bien que Bensetti fasse un film aussi là. Kikaninak, salut à toi. Le Blédard aussi. Ah, ouais. Et moi j'adore, c'est. Merde, le russe là. Daniel le russe. Ah oui. Daniel le russe, il me fait rire. Bob Lennon, Link était racide, il y en a un qui dit Smoke de Mathieu Sommet en youtubeur. Tim, il est top. J'adore Super Flamme. Moi, mes youtubeurs préférés, ça reste quand même Jacques et Michel. Il y a le joueur du grenier, DigiDix, le raptor dissident, Sofiane fait du cinéma, Romain, 23 ans de pendant. Salut Sofiane. Super connard, il est énorme. Salut le ch'ti. David Lafarge, Pokémon. SLG aussi, il y en a qui dit. Ouais, Seb Lafrite, bah voilà, à peu près les mêmes. Après, Pierre Cross aussi. Ouais, c'est un peu Pierre Cross, on l'embrasse. Hein. Vivi du 49, là. Sébastien Fried, j'étais à son bahut, à Claveille, à Périgueux, RPZ. Eh ben, salut man. Thibaut InShape, il y en a qui dit, c'est le youtubeur. C'est plus connu, ouais. Cédric du 67. Il est sympa ou pas, Thibaut InShape, là? Il a l'air cool. Ouais, il fait de la muscu sur Hugo Posé, qui dit là. Rémi Gaillard, voilà là-bas. Il a sorti une vidéo aujourd'hui, Rémi Gaillard. J'aime son art. Il a sorti une vidéo, en fait, il est déguisé en pompier et il prend un petit extincteur, pardon, et il va éteindre. Il est tellement fluide comme ça. C'est un kiff, j'aime son art. Mais il est dur à dire. Un exemple de fluidité. Il a pris un extincteur. Un extincteur. Comment tu dis? Un extincteur. Un extincteur. Un extincteur, il dit. Il n'y a pas de problème. Je ne supporte pas ce mot. Un extincteur. Voilà, un extincteur. Et en fait, il arrive. Il a des phobies bizarres. Ah ouais, mais t'as le droit, donc vas-y. Et il arrive, en fait, il va vers les gens qui fument et il leur éteint la cigarette avec un extincteur. Ah ouais, ça fait mal aux yeux, non? Ouais, mais il y en a un, il se fait taper. Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, il y en a un à la fin, il le prend et tout. Ah, il le tape? Ah ouais, ouais. Il agresse un peu les gens. Et il se. Comment il s'appelle lui? Rémi Guerre, c'est Rémi Guerre qui fait ça. Ah, il est. C'est une autre façon d'éteindre les cigarettes. Ah ouais, ça marche aussi. Tu passes le bonsoir au routier de la night. Salut Florent dans le 85 là. Alex et PJ de Body Time, Thibaut InShape, le bec à Ben aussi, la bec à Ben. Moi c'est le Whoop. Ah bah le Whoop, bien sûr, c'est marrant le Whoop. Guillaume Play sur YouTube, c'est le plus drôle. Ah merci beaucoup. Ah, c'est gentil les gars. Jojo Bernard. Ah putain, Jojo Bernard. Il est chelou lui, le mec. Hein. Il est chelou. Hein. Golden Mousse. Bonsoir à toi, Golden Moustache. Thibaut InShape, j'ai déjà rencontré en vrai. C'est, je crois, le YouTuber le plus humble et le plus cool avec ses abonnés. Il a pris le temps pour tout le monde. Ah bah c'est sympa. Bravo. Ah bah c'est bien, ouais. Il n'y a qu'avec nous qu'il a pas pris le temps. Pourquoi? Ah il est jamais venu. Attends. Amenez-le moi sur un plateau. Ah ouais. C'est vrai, putain, pourquoi il est jamais venu là? Parce qu'il t'a pas répondu, Guillaume. Ah là là. Oh, mais oh. Si, il m'a répondu. Ah merde. Non, alors tu me fais dire des conneries. Parce que tu m'as dit que t'avais pas répondu. Non. Appelle-le maintenant. Parce que je lui ai dit, on est à Toulouse pour le truc, il m'a jamais répondu là. Ah voilà. Voilà. Salut Bengouz, où est-ce qu'on va aussi? Ah Bengouz, il m'a dit, je suis pas ton youtubeur préféré, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a fait à la tête, bébé? Ça va, je t'en veux plus, frérot. Salut, voilà. Bon, on l'embrasse. Bengouz aussi. Bengouz, où est-ce qu'on va? C'est un Marseillais. Ah oui, la famille. Ouais, qui écoute l'émission et m'envoie un message. Il râle parce que c'est. Il me dit, putain, vous m'avez oublié. Voilà. Salut Bengouz. Bon, bah, en tout cas, voilà. Et c'est vrai qu'il n'est pas venu musclé, là. Ah ouais, on l'attend, là. Il est loin. Putain, il a peur de nous. Framboisier, il n'est pas venu. Il a des gros bras. Il faut lui dire à Thibaut InShape, là, de ramener son gros cul, là. C'est vraiment InShape. Exactement, là, dans mon studio, là. Qu'on s'occupe de ses petites fesses, là. Fais gaffe, parce qu'il est. Son gros cul musclé. On est 5, ça va. François Damien, il est. Ah ouais, c'est un youtubeur. Je suis amoureux de ce mec. Clément des 61, c'est pour moi, c'est. C'est un dieu, le mec. Pour moi, c'est. Il est fort. Vraiment, c'est mon champion, lui. Hein. Ah, lui. C'est 1, 2, 3. Namor, Angry, vidéo de Game Nerd aussi, Roxanne Fit. Il y en a plein, 100% bike et tout. Salut, les frérots. Bon, alors, on était en train de chercher le juste prix, on terminait. On cherche un chiffre entre 140 et 150. Il est arrivé. Le chiffre, c'était 141. Donc, on va prendre avec le logiciel. On va appuyer sur le bouton. Le premier qui a envoyé 141, qui correspond au poids moyen d'une merde humaine. Mais non. Voilà, ça n'aura pas un truc ce soir. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir à toi. Tu es une fille, tu t'appelles comment ? Manuela. Manuela, eh ben enchantée. Putain, mais on a Émilie Manuela au téléphone. Et Manuela, tu es d'où Manuela ? Strasbourg. Ah, mais il y a combien de pourcents de chances qu'on ait une Manuela? c'est rare en même temps. Manuela, tu es d'où toi? Strasbourg. Eh ben, ah oui, pardon, tu me l'as dit en plus. Représente le 67. Le 6-7, ouais. Bah, la double dédicace, Manuela. Dédicace à, dès que vous entendez une double Manuela à l'antenne. Ah, c'est gentil. Eh, en tout cas, t'as quel âge, Manuela? Tu fais quoi dans la vie? 13 ans. Je suis au collège. Au collège? Ah ouais. Okay. T'as quel âge? 13 ans? Oui. D'accord, ok, Manuela. Qu'est-ce que tu préfères? Une tablette Samsung Galaxy Tab E, une PS4 ou une Xbox One S? On fait tourner la roue des cadeaux. PS4. Ah bah vas-y, on va voir, hein. J'aime le standard. Ouais, je vais me fais tourner, tu ah, me fais tourner debout, cette là, Guillaume. Ah ouais. De toutes tes forces, pour Manuela, s'il te plaît, pour ouais. Manuela. Une Manuela pour cacher une autre. Merci beaucoup, j'aime le standard. Il est lourd, ce mec. En fait, avant, j'osais pas le dire. Et en antenne, je dis putain, fais gaffe, frérot, t'es un peu lourd parfois et tout. Maintenant, je le dis à l'antenne. Il y a un peu de complexe. Faut lui dire, parce que. Merci, j'aime le standard. Il l'a repris. Il est d'une lourdeur. Non mais c'est, je l'ai jeté, t'allais rechercher. Ouais, il a fait la rebelle. On allait l'oublier, se faire envoler. Oh là là, oh le casse-couille quoi, putain. Allez, on fait tourner la roue. 3, 2, 1. Et la roue qui s'arrête sur un cadeau ce soir. Le cadeau, c'est une PS4. Eh ben c'est gagné. Manuela, t'es contente, Manuela? Ouais, je suis super heureuse. Bah, extériorise un petit peu ta joie. Ah ouais, ouais, genre hurle. Il est où le bonheur? Il est où? Il est dans Manuela. Il est où? Bon, Manuela, je t'envoie le poly demain matin, d'accord, avec la PS4. Bravo. D'accord. Tu joues souvent au jeu ou c'est la première fois? Non, j'ai déjà joué deux, trois fois. Et pourquoi? Bah, c'était juste cette semaine. Attends, et comment ça se fait que t'as envoyé 141? C'est du hasard? Bah, en fait, j'avais vu sur Instagram qu'il y avait les prix des écouteurs des iPhone 7 à 141 euros. Ah, c'est vrai? Oh putain, t'as du cul. Ah ouais, c'est cher aussi. Oh là là, putain, c'est marrant ça. Parce que c'est vraiment du hasard, hein, quand vous envoyez des chiffres, vous essayez de prendre un truc qui s'est passé à jouer. Bah, vous voyez le son, hein. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là, ce soir. Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Salut l'équipe, j'aurais un conseil à vous demander. J'ai un putain de problème, on va t'appeler. Au Brésil, un incendie géant ravage une favela de Sao Paulo. Regarde, ah, j'ai pas vu. Ah merde, merde, ouais. On va mettre les infos. Regarde, j'aime ça, c'est ouais. Vrai. Est-ce que incident mortel du Cuba Libre à Rouen, les deux personnes mises en examen sont le gérant du bar et son frère. L'anniversaire, Qu'est-ce qu'il y a eu, James Zandar? En fait, c'est une personne qui faisait son anniversaire, le gâteau, a enflammé le toit et le plafond. C'était et il y a eu 19 morts, je crois. Oh putain! C'était, Ah oui, j'ai vu. Oh là là, c'était ouf. J'ai vu. Ah putain, c'est le gérant alors. Bon courage les Rouennais si vous connaissez. Un bisou. Il y a une grosse incendie aussi dans une favela. Ah ouais? Bon courage. Bon courage si vous habitez. On a des amis dans les favelas, nous, à Sao Paulo. Au Brésil. Ah, partout si vous nous écoutez. J'aime le standard qui est brésilien. J'accompagnais mon chéri en camion ce matin tellement à vous écouter. Continuez. Salut Louis, je t'aime. Salut Alison. Salut. Allez, bisous la chérie. Alors, juste, tu veux faire une dédicace avant de partir, Manuela? Ouais, une dédicace au collège Saint-Etienne. Vas-y, pas de problème. À Strasbourg? Oui. Vas-y, dédicace. Il y a un morceau que tu as envie d'écouter ce soir? Stranger de Jonas Blue. J'ai pas compris. Jonas Blue. Stranger de Jonas Blue. Ah, Jonas Blue. Vas-y, on va essayer de se caler. Jonas Blue, ouais. T'es fan de Jonas Blue ou t'aimes juste ce morceau Non, non, j'ai juste ce morceau. Ah, ouais, d'accord, ouais, il est là. Baby, we don't need no reason. Attends, j'attrape le CD. Voilà, je te le mets maintenant, d'accord? Merci. Et on parle de cul après. Rien. Gros bisous à ma chérie. Félicitations. C'est toi qui choisis la prog d'énergie. Bravo. Tu fais un cadeau à 1,5 million de personnes. Je t'embrasse en tout cas. Je t'en passe Julia. D'accord. Ok. Allez, gros bisous à toi. Gros bisous. On se fait Jonas Blue et on est ensemble ce soir jusqu'à minuit. Comme d'habitude, hein, 22h à minuit. Si vous voulez venir, vous êtes à la maison comme chaque soir. Et attends, j'ai plus mes musiques. Ah si, attends, je crois que c'est là. Je crois que c'est là. Attends. Bonsoir, comment tu t'appelles? Edgar. Bonsoir Edgar. Est-ce que je peux rentrer dans ton village s'il te plaît? Il est l'heure que je passe. C'est pour quoi faire? Je dois ramener l'heure du seigneur. Tu as quelques deniers ou pas? Ils sont là, regarde. J'ai ces pièces d'or, à lui rendre immédiatement. C'est de la ferraille, mais t'as une bonne tête. Tu sens bon, je te laisse passer. Écoute-moi bien, je te dis, c'est le seigneur Archibald qui m'envoie. Je reviens de la Prusse, j'ai ramené l'argent du duc de Prusse. Tu sais ce que j'en pense, moi, du duc de Prusse? C'est un bâtard, mais toi, je t'aime bien, alors tu passes. Merci, Alain. Ouais. Qui est avec toi? Qui est le couilleux caché derrière toi? C'est Augustin. Augustin le pauvre. Augustin. Amputé, oui, de son nez. Augustin. Oui, je suis là. Ah, mais bien, allez, prends ton cheval ou ton âne et viens avec moi et accompagne-moi jusqu'au seigneur. Oh, je n'ai qu'un âne, mais si. Oh, oh. Tu quoi? Je n'ai qu'un âne. C'est le mec qui joue le plus mal au monde. D'accord. Non, mais attends, je vais stagiaire à côté, c'est DiCaprio. Ah ouais, j'aime ça là, il se fixe comme ça. Il est dans l'excès. Je suis reparti sur ça, moi. Ah, attends, j'ai besoin de vous. Il y a une fille parfaite que je kiffe, j'ose pas lui dire. Ah bah si, il faut lui dire ça. Ouais, petit SMS. Salut, pas un dieu de la reine, je suis du bide. J'ai pas compris. Il manque beaucoup de mots dans ton SS, frérot. Mais laisse-moi ton numéro, je t'appelle direct, avec plaisir. Écoute, Néomès, c'est un jeune rappeur. Lui, il va tout péter plus tard. Bah, je le souhaite, hein. Avec plaisir. Bah, je suis content quand il y a des nouveaux qui arrivent et tout. On est les premiers à jouer, hein. S'il y en a qui font du rap, s'il y en a qui font autre chose, vous m'envoyez par mail, hein, guillaume@energie.com. Si vous faites truc, faites une de limitation. La musique, vous faites un truc, vous voulez que je le passe sur mon Facebook ou quoi, avec plaisir, hein. Si c'est pas une merde, hein, bien sûr. Ouais. Genre, m'envoyez pas quand vous faites une maquette dans votre cave et tout, truc. Genre vraiment produisez le truc bien, appliquez-vous et vous me l'envoyez. Moi, je peux essayer de le diffuser, mais pas genre le truc indiffusable, vous voyez. Je veux pas. Voilà. Sinon, ouais, je vais avoir un coup de fil le lendemain matin de mon patron. On l'a respecté. Qui va me dire: Guillaume, t'envoies déjà les pubs en retard. Tu commences déjà l'émission trop tard. Tu la rends trop tard. Tu manges les intros. Tu parles sur les titres. Tu passes 5 fois moins de morceaux qu'il y en a. Ouais, ça va, ça. Tu n'as pas commencé à nous passer. Ouais. On n'entend pas la voix, quoi. Donc, faites attention. Je te fais un gros bisou, Manuela. Et je te repasse Julia. Ouais. D'accord, salut. Okay, salut, de rien, avec plaisir. Pour mes refs, les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes, ils te parlent de mes refs. Allez, on parle de cul, là. On parle de cul. Il y avait juste Emily Manuela, juste avant. Une Emanuela par une Emanuela arrive. C'est bon. Non, moi, c'est Manuela, c'est pas Emanuela. Oh, Manuela. C'est pareil. Je fais ce que je veux. Si je veux t'appeler Martine, je t'appelle Martine. Allez, Martine. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait passer l'ennui. Et 3-0 ce soir. Pour Lyon, contre Zagreb, en Ligue des Champions. Ouais. Voilà. Bon, je vous écoute depuis votre première seconde sur Énergie. Ça me fait plaisir. Merci, moi, ouais. Alex de Roubaix. Merci, mec. Merci beaucoup, Alex. Manuela, Emily Manuela, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, explique-nous un peu, juste pour terminer ton sujet. En fait, en gros, ton beau-père et ton ex t'a frappé en même temps? Non, pas en même temps. Non, en fait, c'est ça, je suis née, en fait. Au début, j'ai... T'as mis le haut-parleur, Manuela? Non, même pas. T'as mis l'oreillette? Non, je viens d'aménager, donc ça résonne. Non, c'est pas ça, chérie. C'est juste, tiens le téléphone par en haut, parce que tu tiens ton téléphone par en bas et tu bouges le trou. Non, c'est bon. Non, c'est pas toi qui me dis si c'est bon, c'est moi qui te dis. Écoute-nous, Martine, écoute-nous. Voilà, je lèche les pieds à Julia, par SMS. Intéressant. Bah écoute, non, ça me dérange pas. Hein. Voilà. Salut Guillaume, juste te dire que tu gères et que sur tes PMP, ça gère. Non, mais dis pas, ça te dérange pas, on dirait une timpe. Non, mais ça fait genre. Lécher les pieds, c'est marrant. Non, mais tu peux pas dire ça par SMS. Ouais. Ça fait genre la vie. Le mec demain, il vient à la radio. J'ai l'impression d'avoir Affina Turner dans mon équipe. Ah, c'est marrant. Elle va dire. C'est chaud. Guillaume du standard, tu te calmes, puis dans l'excès. Tu es excité ce soir. Ah ouais, il est chaud. Va te branler. Le mec est trop chaud là. J'ai déjà du saut palais en plus. Merci. Glamour. Le mec, il est lourd. L'élégance à la française, le mec. Dites-vous que c'est ce mec là que j'emmène à la télé un jour. Hein. Un jour peut-être. C'est énorme. Je vous dire, je suis en train de préparer un truc. Je sais même pas si j'ai raison. Hein. Je peux vous dire là, c'est chaud. J'ai jamais vu. On aura l'image en direct aussi. Hein. C'est pas vrai ça. Bon alors, excuse-moi, Emily Manuel, 20 ans de Castres. Qu'est-ce qui t'arrive là? Bah non, moi à la base j'intervenais pour la petite tout à l'heure qui est passée, que quoi son beau-père lui faisait la misère. Oui. Donc du coup bah depuis tout à l'heure j'attendais pour du coup intervenir et puis lui donner quelques conseils. C'est un peu pire qu'elle, on va dire. Ouais, t'as vécu alors pourquoi, qu'est-ce qui t'est arrivé toi? Bah moi au début de mes 8 ans et demi jusqu'à mes 14 ans, mon beau-père m'a fait la misère et m'a défoncé la gueule. Ouais. Il s'accaparait les mecs quand j'avais 14 ans que je ramenais à la maison, donc c'était lui qui discutait avec. Ouais. Moi, c'était plus mon mec, limite. Je pouvais pas sortir, il me tapait dessus, puis il était toujours la meilleure, privilégiée. Ah donc, ouais. différence. Donc forcément, sur la psychologie, ça joue. Mais genre, il te frappait fort. Donc, ouais. À 8, ouais. À 8 ans et demi. Ouais, les règles. Tu sais, les règles sexistes avec lesquelles on se bat en classe. Ouais, bien sûr, ouais. Mal, non. Règles en plastique, quoi. Ouais, les règles flexibles en plastique. Dès que c'est sorti, ça sortait. J'avais quoi? J'avais 10 ans. Elle m'a défoncé la gueule avec c'est ça. C'est vrai? Oh là là. Ouais. Il m'a déjà fait. Quand j'allais à l'école, au collège, je venais avec des bleus. Mes lunettes, elles étaient cassées. À l'époque où j'avais des lunettes, mais il me défonçait la gueule. J'ai de l'infirmerie. Elle pleurait, l'infirmière. Putain, c'est dingue. Ah, si, si. Mais pourquoi? Du coup, j'ai appelé 119 enfants maltraités. Ah ouais? Donc ils sont venus, éducatrices, tout ça, à eux. Je suis partie du coup 9 mois en Afrique parce que je faisais trop de conneries à cause de lui. Ouais. Donc ils m'ont dit, toi t'es un cas désespéré, dégage en Afrique 9 mois, ça va te faire du bien. Et pour l'instant, on s'occupe de ton beau-père. Oh là là, d'accord. Ah ouais. D'accord, putain. Ah, ils m'ont fait la misère. Ah ouais, et pourquoi ton ex t'a frappé aussi? Non, en fait, du coup, comme ma mère, elle s'est séparée de lui, moi du coup, bah j'ai quitté mon mec de l'époque et je suis partie avec un autre, mais lui m'a défoncé la gueule, je suis partie vivre avec. Ouais. Et pendant 2 ans, lui, c'était, il me réveillait la nuit et comme j'étais en sommeil profond, quand je me réveillais d'un coup, bah, forcément, ça me faisait battre le cœur d'un coup, la température montait d'un coup, donc forcément, ça allait pas. Donc, il y avait une crise de température, quoi, un problème, donc choc thermique. Donc, je tombais dans les pommes. Excuse-moi, j'ai rien compris là. Je sais pas d'où ton choc thermique il arrive quand tu dors. Quoi, une crise de température? Attends, c'est... En fait, quand tu dors, ta température, elle descend. Ah, allô? Ouais, en fait, quand tu dors, toi, tu chauffes, quoi. Non, en fait, la température, elle descend, la température du corps. Mais comme il est réveillé d'un coup, forcément, la température, elle montait d'un coup. J'avais la tête qui tournait, je me réveillais d'un coup comme un malade. Ah, t'es une fragile un peu quand tu dors. Ouais. Ah, ouais, faut me saouler quand je dors. Ouais. Et du coup, t'as dit ton ex te frappait tout à l'heure au standard. En fait, il te frappait pas, il te réveillait la nuit, quoi. Non, pas ça, non, il n'y a pas que ça. Des fois, il me défonçait la gueule, il me claquait contre les murs, j'ai déjà volé. On avait un chat, il faisait voler le chat, je le rattrapais en plein vol, et lui, il m'éclatait après contre la terre quand je tombais par terre, il m'éclatait contre le sol. Et il me faisait des trucs de fou, il me balançait des bouteilles de bière contre moi, il faisait plein de trucs de malade, il me défonçait, il mettait à 2h du matin dehors. Ah ouais, et tu l'as pas quitté du coup le cum? Ah si, je l'ai quitté, mais bon, je me suis quand même fait bien défoncer la gueule, quoi. Ouais, d'accord, il faut donc, partir. La seule solution que j'ai trouvée, c'est partir. Et puis, j'ai porté plainte contre lui, donc faut pas hésiter, en fait, à porter plainte, faut surtout pas hésiter, en fait. Ouais, d'accord. Faut y aller. Faut parler, surtout. Eh ben, voilà, Émilie, ouais. Ah, il faut faire... Ouais. Putain, c'est dingue, hein. T'as pas eu de cul, hein, quand même, de tomber. Hein. T'es déjà tombé sur un mec qui t'a tapé, Julia? Non, jamais. Jamais, ouais. Franchement, je me défends bien, je pense, mais jamais. Elle a fait du karaté. Non, mais c'est pas la question. Je suis jamais tombé sur un méchant, un mec. Ouais. Non. Et le mec, il t'a battu direct, Émilie, ou il a mis un peu de temps avant de te taper? Non, en fait, c'est quand je suis tombée enceinte de lui qu'il a commencé à me défoncer la gueule. Ah, t'es tombée enceinte de lui et tout, 20 ans, ouais. Il te rappelle enfant, quoi. Ah, ouais. Et t'es tombée enceinte quand? Je suis tombée enceinte en 2014. Ah donc ouais. À mes 17 ans. Ouais, j'avais 17 ans. Ah ouais, putain la vache. Ça faisait combien de temps que t'étais avec lui? Ça faisait 4 mois que j'étais avec, donc on ne s'y attendait pas du tout. Et puis bon, on était très contents, sauf que je sais pas ce qu'il a eu. Il avait un pète au casque d'un coup et il a commencé à me battre. Et quand tu dis t'étais très contente, genre tu prenais plus la pilule? Vous l'avez gardée? Non, je l'avais prise en fait. Je comprends jamais rien à ces trucs-là, donc j'ai jamais pris. Tu comprends jamais rien à ces trucs-là. On va pas te faire conseiller. Hein. Ah ouais. Faut aller voir le médecin. Faut aller à l'école. Ouais. Là. C'est pas trop compliqué, je crois. La pilule. T'as compris le système des règles et tout déjà au moins, Mimi? Ouais, mais bon, je suis un saoul de calculer, j'ai la flemme. Ouais. T'as un rappel sur la flemme. Tu préfères tomber enceinte. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, ça te donne des ans. Après, je vivais avec. Hein. Je vivais quand même déjà avec. Donc. Non, mais 4 mois, chérie, 17 ans, ouais. C'est super, hein, mais c'est mieux quand. Ma mère m'a piqué à la porte, donc j'avais pas le choix. Ah ouais, mais bon, c'est pas une raison pour tomber enceinte. Ouais, c'est ça. Vous mélangez X et Z. Elle est stérile. Non, mais ouais, il y a les stériles. Pourquoi tu mets pas de capote sur la bite au mec? Bah ouais, mais ça a craqué. Ah ouais, ah la capote a cassé, c'est le bordel là. Ah ouais, donc là tu pouvais pas savoir, ouais. Ça c'est clair. J'ai un stagiaire, t'as déjà eu une capote qui a pété dans ton trou de balle? Dans mon trou de balle? Non, c'est ça, ça t'est jamais arrivé de péter une capote avec ton cul ou autre chose? Avec mon cul, pourquoi mon cul? Ou autre chose? Avec non, ça va, non? Ça m'est jamais arrivé, ouais. Dans le cul, non? J'aime ça, t'as jamais une capote qui a pété? Ouais. Dans le cul? J'arrive. Mais pas dans le cul. Dans un cul? Non, dans son cul. Non, dans le sexe de la fille, ouais, carrément. Dans le sexe de la fille, et là c'est la panique à bord. Ouais. Tu te dis putain, bon, mais bon, tu sais ce qu'il te reste à faire, fais pas de conneries.

Ah ou quoi? Tranquille? Tranquille et toi? Tranquillement, tranquille. Clément Vinboul, voilà, de Casse représente. Hein. Le Tarn. Sois le bienvenu. Enchanté. Comme, comme la jeune fille qui est passée juste avant. Exactement. Ouais. Les on, fait des, on fait des paires ce soir. C'est... on fait des paires quand vous passez. On fait les Manuela, on fait les mecs du 81. Bon, t'as inventé. À une bonne équipe de rugby, il faut la représenter quand même. Hey, toi, tu fais du rugby, toi, t'es un mec de rugby, Clément. Juste ouest. J'en ai fait. Ah, ouais. T'es pas déjà passé avec nous, Clément, non? Non, début slage. D'accord, ok, très bien. Bon, ça fait plaisir. On va parler d'une réaction inattendue et originale d'un de vos partenaires quand vous baisez. Très original. Qu'est-ce que c'est, mon Clément? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, en fait, un soir, j'ai rencontré une fille en boîte, à Castres, et donc je la ramène à la maison, tout content, tout fier. Et donc, on remonte chez moi, dans mon petit appartement, dans mon petit 50 mètres carrés. Donc voilà, je commence à lui faire l'amour, etc. Et c'est quand j'ai commencé à entendre jouir que ça m'a un peu coupé l'élan. Parce que quand on jouit et que la jouissance ressemble à un cri de cochon, ça m'a fait assez bizarre. C'est vrai. Et couiner un peu comme un cochon? Un groin. Non, on dirait un cochon. Vraiment. C'est vrai. Oh. Mais tu sais, quand, les femmes, quand elles rigolent, des fois, ça ressemble à un cochon. Non, pas les femmes, il y a aussi JM du standard. Non, c'est vrai. Quand la blague est très bonne, c'est vrai. Tu nous fais un petit. Voilà, exactement. Voilà, là, tu... là, c'est exactement c'est ça. C'est pas sexy. Hein. En fait, c'est ça. Elle a joui comme ça. Et c'est pas très agréable, on va dire, entendre ça pendant qu'on est en train de faire amour. Quoi. Ouais. C'est plutôt, je me suis tapé un gros fou rire, surtout. Ouais, c'est vrai, mais pourquoi, en fait, je comprends pas comment il peut faire. Ah si, elle est bouchée peut-être. Ouais, peut-être. Une sinusite. Ah putain. Ouais, mais là, c'est bouché en plein été. Faut... Bah si. Non, attends, il y a plein de mecs qu'on est allergie ou. Si, ça peut arriver. Ouais, il y en a plein, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que c'est un peu anti-sexe une fille qui grouine. Ça donne beaucoup moins envie et pour repartir, c'est encore pire. Ouais. Quand tu fais, et t'as réussi à aller jusqu'au bout quand même. Ouais, tout en rigolant, comme on dit, hein, qui dit femme qui rit, qui dit femme à moitié dans ton lit, c'est un peu le même principe. Mais c'est pas femme qui rit, femme à moitié dans ton lit, c'est différent. Hein. Et attends, JM, tu en as déjà retrouvé, t'as déjà grouiné comme un cochon. Non, jamais. Vu que ça m'arrive quand je rigole pas quand je fais l'amour. Quoi. Ouais, non, mais ça aurait pu une sensation genre. Oh, ouais, non, mais. Quand tu jouis. Ouais, quand tu ronfles, par exemple. Toi, tu dois ronfler sale, hein, JM. Non, pas tellement. Ah là là. Et le mec, il a le nez du mec qui te dérange. Le mec gras. Je te jure, pas tellement. J'ai deux potes qui ont dormi chez moi ce week-end. Putain, les deux, ils sont mis à ronfler, j'ai pas réussi à dormir. C'est vrai. Ah, dégoûté, ouais. Ah, c'était pas tant. Tu dors dans le lit avec eux, ouais. Ouais. T'as un pote qui dort nu avec toi, non? Non, je l'ai dégagé quand il a fait ça. Je vous avais raconté une fois qu'il y a un de ses potes qui dort nu, c'est très louche. C'est ambigu. Et je lui ai fait direct remettre le caleçon. Hein. Ah ouais. Ouais, obligé. Ah ouais. Attends, il a fait direct recaloter la bite. Non, évidemment. Ah, il s'est cru, sérieux. Bah, il avait chaud peut-être. C'est il a le droit. Hein. Bon, en tout cas, ça t'est déjà arrivé d'avoir une réaction inattendue d'une partenaire en fin d'amour. Ouais, je te jure, il y a une meuf, elle s'est retirée de moi. C'est la bande des mous. Non, j'ai été. C'est retirée de moi. Non. Je sens que je n'ai plus. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me crois, je fais un peu. Si tu me parles, je fais un peu. Elle a retiré quoi, le gosse ceinture. Non mais c'est resté fidèle au palio. Elle s'est retirée. Ouais. Elle est partie d'elle-même, donc elle s'est retirée de moi en gros. Ouais, c'est elle qui est partie, Non, en fait, en gros, tu veux dire, elle s'est extirpée quoi. Voilà, extirpée. Ouais. Pour aller vomir. Ouais. Et après, elle est revenue. On a continué. Très bien. Voilà. Ouais. J'ai pas compris de. Elle est allée vomir, c'est tout. Ah. Elle s'est extirpée pour aller vomir. Elle s'est extirpée pour aller vomir. Ouais, elle est partie aux toilettes. C'est la guerre chez lui. Et après, j'ai continué, ça allait, l'odeur de la bouche. Elle a vomi. Mais pourquoi? Bah, elle était un peu bourrée, donc. Même moi j'étais bourré, mais elle a pas tenu le choc, elle est partie aux toilettes, je te jure, et après elle est revenue normale. Elle a vomi, ouais. Elle avait du vomi sur elle et tout, non? Non, c'était du liquide, c'était genre de la vodka, ce qu'on avait bu, tu vois, et genre après ça allait quoi. Ouais. C'est jamais quand il fait l'amour, il baise. Non, mais là c'était rare, mais j'en vomis. Avec la mais le lendemain. Il baise avec une fille, il a fait vomir. Non, mais en y repensant, franchement, c'est. En fait, il a allumé la lumière et elle est partie vomir. Non, ça va pas, je dis qu'est-ce qu'elle dit, je pars aux toilettes, deux secondes, j'ai pas le temps. Il a allumé la lumière, elle a vu sa tête, elle a fait putain. Non mais c'est une fois que ça m'arrive. Il doit faire ça tellement bien que. Bah non, après elle était très contente, hein, y a pas de soucis. C'est l'odeur. Elle s'est pas plainte. Non, il n'y a pas d'odeur. Pas d'odeur. Ah putain, c'est bon ça. Ah ouais, t'as vraiment la fille petite direct. Pause de vomi. Ouais. Ouais, au début, on l'allumait un peu et bam, elle est. Tu l'as quoi? Je l'allumais un peu. Tu l'allumais un peu. Ouais, donc, je l'allumais. Oh, putain. Ah, elle a vu Julien Stagiaire, elle a fait. Ah, il faisait nuit en plus. Puis elle est revenue quoi. Elle me connaissait. Elle n'a pas le choix. J'ai une passion, c'est le dessin, machine Instagram et Willow 9. Willow, W-I-L-O-W 09 si ça t'intéresse. Je vais aller voir ça avec plaisir, avec plaisir. Celui qui gagne sa femme, c'est comme frapper sa propre mère. On vient tous du ventre d'une femme. Salut Caribou du 31. C'est possible. Salut man, merci beaucoup pour ton message. Salut à Lily du Joker 42 aussi. Salut. Julia et Jolie, il y a les yeux qui sortent le cul. Voilà. qu'est-ce qu'ils arrivent ça va, non, non, même pas, je vais dire exactement mon message. Julia est bien bonne, elle pue le cul et les yeux qui sentent le fion. Non, voilà, mais ça, c'est n'importe quoi. Salut le routier barbu aussi, par un message qui est balancé. Salut, juste ouais. Un petit coucou après. Moi, je me suis déjà endormi pendant l'acte. On écoute ton émission, te kiffe trop. Ah, c'est gentil, les gars. Big up à la Bec et à Ben sur Insta. Bonsoir à toi, la Bec à Ben. Salut. Dédicace les routiers de la night à la Croisette. Je descends sur l'A6 direction Lyon. Merci beaucoup à toi. Clément qui est là de Castres et du coup qui parlait des réactions inattendues. On va en reparler demain soir. Du coup, c'est nombreux à nous appeler là. Ouais, ouais. Guillaume et votre message, si vous voulez passer demain, je vous appelle demain après-midi tranquillement. Je préparerai le dose. Donc voilà, Guillaume, et vous m'envoyez un petit message en me disant voilà, moi il m'est déjà arrivé ça. Réaction originale, ça peut être une fille qui saigne du nez. Un malaise. Un mec qui se met à pleurer quand il couche avec vous parce qu'il trompe sa meuf. Ah ouais. Est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un qui se met elle à péter ça. Elle appelle sa mère. Voilà, une réaction inattendue. Guillaume et votre message au 612. Tu veux faire une dédicace même si on te retrouve demain, Clément, ou pas? Ouais, je veux bien faire une dédicace. Vas-y, alors, j'ai une dédicace à tous les poteaux de Corse dès cet été, les poteaux de Lyon, les poteaux de Grenoble, un peu de partout en fait, de là d'où je viens, et à tous les joueurs de rugby de Castres, ouais. Évidemment, ouais. Et à mes collègues de travail de Castres et à la boulangerie de Castres qui est toujours en forme dès 5h du matin, dès demain matin. Allez, vas-y, c'est gentil, mec. Eh ben, bon courage à tout le monde. Je t'embrasse, poteau. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Salut. Salut à Cass, représente les copains là. Salut dans le Tarn, hein. Représente tout le 8-1. On se retrouve demain à partir de 22h jusqu'à minuit, hein, comme chaque jour. Demain, on fera le faux casting de télé-réalité. Ouais, c'est énorme. Et soyez là, les poteaux. Demain, c'est vraiment magnifique. Il est magique, ce jeu. Ouais. Le jeudi et le mercredi aussi, hein, le médecin de famille. Alors, demain, on enchaîne les jeux. Le mercredi, le mardi, les pervers. Le lundi, le jeu des fait d'hiver avec le clash, cadeaux. Ouais. Le vendredi avec le clash de la semaine qui est énorme aussi, le Il n'en restera qu'un, on fait plein de jeux tous les jours. Bon, bonne nuit les copains, on se retrouve demain 22h, à demain j'ai stagiaire. À demain Guillaume, bonne nuit. À demain Guillaume, à demain Guillaume, bonne nuit. À demain Julia. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit Flo des cadeaux. À demain Guillaume, bonne nuit. Allez sur Facebook Guillaume Play PLEY, sur Twitter et Instagram aussi Guillaume Play PLEY, et on se retrouve demain. Passez une bonne nuit les copains. Je vous laisse avec Mickaël normalement qui est là. Tout à fait. Et comment bah, ça va? Eh bah, ben c'est le relais. C'est le relais nocturne. Exactement. Voilà, voilà, chaque 4h. Pas trop fatigué avec la conférence de presse ce matin, non? Si, un peu, mais ça va, ouais. Ça va. On sera quand même là chez 4h, il n'y a pas de problème. C'est marrant, c'est que Mickaël, on se voit de 9h du matin à minuit. Quasiment, jusqu'à 4h. Et d'ailleurs, j'ai vu premier arrivé, c'était JM ce matin. C'est vrai? Ah, putain, c'est pas possible. Tu sais plus à quoi je ressemble là parce que c'était pas moi, il y avait faux des cadeaux. Effectivement, alors Guillaume, effectivement, JM était en retard. Merci. Il insiste, c'est vrai. Ouais. J'avais oublié ce détail. Effectivement, il était en retard ce matin. C'est bon ça. Ouais. Et Amina est arrivée à l'heure ou pas? Non, bah bien sûr, évidemment que non. Parce que évidemment, on a eu une galère avec Uber. Les bonnes choses se font attendre. Et Uber, attends, bah, tu parles du buffet là. On l'a attendu d'ailleurs. Bon, écoute, on va prendre le Uber nous maintenant pour. Voilà. Et bah écoute, on rentre en moto. Alors. Bisous les gars, demain à 22h. Ciao, bonne soirée. Et on est parti en direct jusqu'à 4h. Bienvenue. C'est la rentrée. Tu regrettes déjà tes vacances? Tu étais tellement bien. Le sable chaud, les terrasses, le soleil, les bikinis, les jolies filles, les balades, la nature. Mais tout ça, c'est terminé. Même ton bronzage est en train de se barrer. C'est normal. C'est la rentrée. T'es pas bien. T'es pas heureux. Tu vas rentrer pour travailler. C'est comme ça, t'as pas le choix. Il y a le métro, les heures de pointe, les bouchons. Tu vas râler. Tu veux tout plaquer. T'es fatigué. Fatigué. C'est normal. C'est la rentrée. Il y a l'école, les nouvelles têtes, te lever tôt. Il y a le boulot. T'étais pourtant si bien, zen et reposé. Je t'ennuie déjà. Normal. C'est la rentrée. Tu ne penses qu'à une chose, à tes prochaines vacances. Mais prends ton temps. C'est dans longtemps. Pour le moment, c'est la rentrée. En attendant, y a Mickaël sur Énergie toutes les nuits de minuit. minuit à 4h. Eh ouais, toutes les nuits de minuit à 4h. N'oubliez pas le dimanche aussi, on est là de 20h à minuit. Enfin, on sera là parce qu'on démarre dimanche 20h minuit. Voilà, comme ça, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de nous écouter parce que c'est un peu trop tard pendant l'année, enfin pendant la semaine plutôt, eh bien il y aura la séance de rattrapage le dimanche soir. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire déjà pour jouer, faire des canulars, si vous voulez jouer à tout n'importe quoi, vous pouvez également vous inscrire dès maintenant. Vous envoyez, vous appelez directement Seba au standard. Tiens, 01 40 71 5000, numéro du standard, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. Toff qui est là, hein, tranquillement. En pleine forme, toujours bien. Prêt à se faire insulter comme un rat. C'est toi, ta famille, ta mère, ton voilà. Père, ta soeur, ta grand-mère, ta petite soeur. Non, pas ta petite soeur. Ta grande soeur. Voilà. Voilà, pour bien clôturer, bien souligner les mots. Hein. Mais oui, trop d'amour. C'est important. Et j'embrasse Christelle pour passer un peu d'amour quand même. Christelle ? Oui. Qui c'est qui ? C'est Christelle. Non mais balance, alors, attends, pas, commencez pas avec vos messages personnels. Il fait des messages. Non, je vais dire, vous passez de pas en faire. J'en quoi, fais c'est... plus. C'est qui, c'est qui, c'est une charmante jeune fille. Quelle balance celui-là. Mais d'où elle sort ? Merde. Bah elle sort. Mais elle, c'est qui raconte ? Mais je sais pas, on verra. Qui s'y raconte ? Comment ça ? Mais tu sais où elle, tu l'as rencontrée où ? Je l'ai pas rencontrée encore. C'est Tinder, merde. Genre t'es sur Tinder ? Non, je suis pas sur Tinder, mais voilà, c'est. Mais tout le monde veut savoir et nous on bah justement d'ailleurs. Je vous raconterai. Mais ils vendent les dédicaces. Voilà, je vends des dédicaces en bah fait oui, merde. C'est ça, n'importe quoi. Tu lui fais quoi, 50 centimes ? Ah bah non, non, c'est pas assez. Ah ouais ? Non, il y a déjà quelqu'un sur les 50 centimes. Ouais, bah 1 euro alors. Ah oui, minimum. Ouais, c'est ça, et clochard va. Bon, bah tiens. Mais ta gueule, teuf de mon cul, oui. Voilà. Moi, j'accueille mon poutou sur le cul de ta mère, fille de pute. Voilà. Ta mère, en tout cas, je l'ai baisé tout à l'heure, elle était super bonne. Voilà. Des fois, elle sortit, il se met sur de ta mère, fille de pute. Voilà. Enfant de pute, ta pute de mère. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça. Là, on a partagé beaucoup d'amour. Ah bah, je te confirme, ouais. Tiens, il y a Jus qui dit salut l'équipe, on est là ce soir comme chaque soir. Bah, j'espère bien, Jus. Estelle aussi, contente de vous retrouver, salut Estelle. Et le tilteur qui salue l'équipe. Une grande bûche dans le cul de l'autre. Attends, c'est quoi ? De l'autre grande paix la merde au corps. Merci. De traître, c'est merci. Top. Ah, c'est de traître, ça, cet amour me va droit au cœur. C'est le moins qu'on puisse dire. Amina qui va bien ? Très très bien. Très bien, on a eu une conférence de presse ce matin, voilà, ouais. Bah, etc. Amina qui est arrivée en retard, toi qui a essayé de m'enfumer en disant « Mais tu avais dit 11h !» Il avait dit 11h30. Hein. Non, il n'a jamais non, dit 11h. Non, franchement, je vais pas être de mauvaise foi, on avait dit 10h30. Ah, voilà, et bah, merci. J'étais en retard et je m'excuse. Après, voilà. Pardon. Donc les moins en retard étaient Polo et Seba hein, du standard, ils sont arrivés avec un quart d'heure de retard. Absolument, et j'ai envie de dire. Non, moi je suis toujours à l'heure, j'aurais pu être qu'avec 5 minutes de retard. Cette espèce de grand con avait pas ramené sa valise. Je suis toujours à l'heure, j'aurais pu arriver avec 5 minutes de retard. Mais c'est rien, 5 minutes sur le temps, peut-être, mais c'était quand même en retard. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, tout ce qu'il y a à faire. Voilà, il y a Anna qui dit salut mon équipe de la Night. Encore une super émission avec vous cette nuit, on va bien se marrer. Bah, en tout cas, on va tout faire pour. Et Caro, bonsoir l'équipe, je vous attendais pour passer une belle nuit. Et bah écoute, on est là, venez nous rejoindre aussi sur Facebook. Vous tapez M-I-K-L officiel. Je rappelle qu'il y a toujours une Xbox One S à gagner. On fera le tirage au sort dimanche à partir de 20h en direct sur Énergie. Si vous voulez jouer, bah, faites un petit like sur la page Facebook de l'émission, donc M-I-K-L officiel. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Twitter et sur Instagram, là aussi c'est M-I-K-L officiel. Ce soir c'est mercredi. Bah oui. On va donc faire le jeu du chips. Enfin le jeu du chips. Le chips et les lettres. C'est le chips et les lettres. Voilà, tout à l'heure. On fera également le nouveau jeu également lancé par Amina. Et oui. Merci pour ton ex. Donc si vous voulez piéger votre ex et que vous voulez regagner, vous voulez gagner un cadeau sur son dos, parce qu'au final c'est ça, hein, appelez-nous. Il y a des tablettes Samsung Galaxy Tab E à gagner. C'est des nouvelles. Vous tapez un message maintenant. Vous envoyez Mickaël espace ex et votre numéro de téléphone au 612. Et puis on va également écouter du son avec Ken Jones. Hein. Il y aura nouveau Lady Gaga qui va arriver dans quelques secondes, je vous le mets aussi. Il y aura Cachemire. Je vous mettrai aussi, qu'est-ce qu'on va se mettre ? Martin Garrix, DJ Snake aussi, avec Justin Bieber. Benko aussi qui dit Toff, c'est trouver un traf sur Tinder, mort de rire. Il n'ose pas le dire, il y a peut-être de ça, ouais. Thomas aussi, trop content de vous retrouver les mecs. Salut à toi Thomas. Yo l'équipe, trop content de vous retrouver aussi. Et Marilyn, bisous la team, j'avais compris, bonjour. Bisous la team, encore un bon moment à passer avec vous. Manu au boulot sera super. Et bah écoute, bon courage à tous ceux qui travaillent. En tout cas, on est là. On va essayer de se marrer jusqu'à 4h du matin comme d'habitude. Et puis vous hein, en direct, si vous voulez passer, n'hésitez pas. Il y a Maxime qui est avec nous à Saint-Malo. Salut Maxime. Salut Mickaël, comment salut tu vas tout le monde et salut Vagin Morito. Comment tu l'as appelé ? Vagin Morito. Un poète. Souvenir de Guillaume. Ah d'accord, c'est quoi ? Raconte, il s'est passé quoi ? Ah, faut que je t'explique? Bah oui, qu'on sache d'où ça vient. Bah, vagin, probablement parce que je suis une femme. Donc, ah, voilà. Ça reste à prouver. Voilà, enfin, bon, on peut pas le prouver tout de suite. Ouais. Et Morito, c'est un artiste, on va dire ça sur YouTube. En fait, c'est un mec qui s'appelle Amine Morito qui fouette des femmes dans des chambres. Ah, d'accord, ok, voilà. Très bien. Ah, il faut expliquer, là, moi j'ai pas de problème. Est-ce que vous repreniez des trucs, mais il faut expliquer, moi je sais pas. Oui, voilà l'historique. D'accord. Pour ma biographie. Okay. Très bien. Bon, bah Maxime, sois le bienvenu, t'as passé une bonne journée? Ouais, nickel. Bon, bah écoute, tant mieux alors, impeccable. Maxime, t'appelles de Saint-Malo, qu'est-ce qui t'amène? Ah, parce que moi je voulais parler d'amour à distance, parce que moi j'ai une relation avec ma copine que j'ai jamais vue, mais que je suis à 400 km d'elle et je voulais en parler. Et attends, t'as eu une relation avec ta copine que t'as jamais vue, qui est à 400 km de toi? C'est une très belle relation. Enfin, je l'ai rencontrée sur un site pour rencontrer des gens aléatoirement. Ah oui, d'accord, ok, mais quand tu dis que t'as une relation, ça veut dire que, bon, en gros, tu sors avec elle, mais t'as pas une relation sexuelle? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Ah oui, oui, très bien. Qu'est-ce que t'appelles rencontrer des gens aléatoirement? Bah, c'est, à mon avis, c'est genre sur Tinder, quoi, tu vois. Mais c'est aléatoire. Pas aléatoire. Bah. Allô? C'est pas 400 km Tinder en plus. Maxime? Non, mais c'est un exemple. Oui, allô? Ouais. T'entends Polo ouais, ou pas? C'est sur. Allô? Non, visiblement, c'est son téléphone. Ouais. Attends, bouge pas, Maxime, on va te rappeler dans deux secondes, là, t'inquiète pas. Steve, qu'on va prendre aussi dans un instant. Et alors, putain, vous avez vu la vidéo de Daffina Turner? Oh, c'est, ah, c'est sublime. Alors, je sais pas si vous l'avez vue. Elle est sur le plateau du Mad Max sur Energy News. Et elle nous fait un remake de Basic Instinct, mais bon, excuse-moi, Fida, mais en pas belle, quoi. Excuse-moi, mais en dégueulasse. En dégueulasse, en poilu, non, c'est la version poilue de Basic Instinct. Parce que la version originale, c'est quand même avec une bombe de meuf. Enfin, aujourd'hui, c'est une dame. C'est une dame respectable. Sharon Stone, quand même, hein, qui. À l'époque, était quand même plus que bandante, faut quand même dire les choses. Ah, mais c'est mes et donc, premières bandettes. Oui, non, hein. Mais bien sûr, enfin, je veux dire, elle a quand même atteint un âge un peu plus. Mûre. Elle est plus âgée, quoi, voilà. Bon, bref, donc du coup, Fida Turner, donc la version de Sharon Stone, c'est qu'elle est chez les flics, voilà, tout ça, et à un moment, elle croise les jambes, décroise les jambes, et là, elle n'a pas de culotte. Donc tous les mecs dignes de ce nom, qui avait un petit âge, une petite dizaine d'années à l'époque où Basic Instinct était sorti, bah forcément sont un peu paluchés en voyant sans rien voir en fait la chatte de Sharon Stone. C'était pas la scène la plus haute du film. C'était pas la plus haute, mais enfin c'est celle dont on a le plus parlé. Et donc quelques années plus tard, voire quelques décennies plus tard, il y a donc Fida Turner qui a fait le remake de Basic Instinct sur Energy 12, un hommage. Puisque elle était sans culotte, elle était sur le comment on appelle ça, le bureau, le bureau. Hein. Et donc elle est assise, elle croise les jambes, elle décroise les jambes, on voit sa chatte, autant appeler un chat un chat. Non, ah c'est ouais, vrai. Ouais, hein. Voilà, et bien velu. Hein. Et bien velu. Oh, pas, oh, dégueulasse. Non, ça va. Oh, quand même, je trouve, non, si, moi, il y a un peu de poils. Ah, sur les côtés et tout, tu analyses bien, ça va. Hein. Je sais pas, oui. Moi j'ai l'impression que. Ah ouais, moi aussi j'ai eu la même impression que toi. Tu as mal vu, parce qu'en fait c'est une espèce de ticket de métro. Oui, mais. Elle est en boucle ou quoi? Non, non, non, mais j'ai analysé. C'est un gros ticket de métro, hein. C'est un billet d'avion, hein. C'est un pass navigo, ah ouais. Quoi. Ouais. Ouais, franchement, ouais, c'est le boarding pass, les billets d'avion, là. C'est violent, quand même. Hein. Bon, donc, du coup, chaud, quand même. Je voulais savoir, est-ce que vous aviez déjà eu, justement, un petit moment où vous êtes sorti sans sous-vêtements? C'est genre, il y a un moment d'inattention, vous n'avez pas fait gaffe. Ou alors, vous vous êtes déjà retrouvé, par exemple, les parties intimes à l'air, mais par accident. C'était déjà arrivé à Mina ou pas? Ouais, malheureusement. C'est-à-dire? Bah, cet été, j'ai fait un bain de minuit avec des amis. Et en fait, bah, j'avais posé mes fringues sur la plage. Et quand je suis revenue, on s'est fait voler. Tu nous as raconté, oui, ça il y a déjà quelques semaines, juste. Oui, mais je passe pas ma vie à poil, hein, donc. Non, mais voilà, après, c'est pour dernière. Savoir. Bon, ben, dites-nous si ça vous est déjà arrivé. 01 40 71 5000. Par SMS, ça marche aussi. Enfin, attendez, parce que le serveur SMS était en panne tout à l'heure. Je vais voir si ça marche maintenant. Ça remarche. Très bien. Donc, vous envoyez Mickaël et votre message et votre numéro si vous voulez passer en direct à l'antenne, qu'on vous rappelle, donc, au 6 11 12. Même numéro pour la France et pour la Belgique. Suffit de nous appeler. Et puis, pas de problème. On va récupérer Maxime dans un instant. Et on va démarrer maintenant la soirée tranquillement avec le son de Lady Gaga, que vous avez d'ailleurs découvert, hein, sur Énergie. J'ai envie de dire, c'est normal, Lady Gaga, le nouveau, on l'écoute maintenant. Il est minuit 13, on est sur Énergie, c'est Mickaël et on est là jusqu'à 4h. Merci d'être là, hein, toutes les nuits, de plus en plus nombreux. Ça fait bien plaisir. Oh, Ah, il est bien lourd, comme on les aime bien. Le nouveau Lady Gaga qu'on écoute et que vous avez découvert sur NRJ. Tu peux compter les moutons. 1, 2, 3. Mais ça ne marche pas toujours. Ou bien tu peux attendre que le sommeil arrive. Tu n'arrives pas à dormir. Parfois c'est long. Long. Très long. Mais c'est mieux de ne pas insister. Plutôt que de chercher le sommeil, écoute Mickaël sur Énergie. De minuit à 4h. Exactement, ouais, on est là en direct à Frédéric Alba qui dit un bonjour à tous les frigos de la night. Et Jean Kultoff, message passé évidemment avec plaisir, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Tof, Salara, dégoût, je te fais. Attends, c'est quoi? Je te fais récurer mes chiottes plein de merde avec ton museau pendant que tu te fais enculer par un troupeau de taureaux. Avec plaisir, je pense que ça va être un grand moment très agréable. Ce qui est bien, c'est que nous avons des poètes maintenant. Mais ça, oui. Ça fait plaisir aussi. Déborah qui dit gros bisous à l'équipe, vous êtes géniaux et un coup de pelle de ma part à Tof, évidemment. Avec grand plaisir. Bon, allez, continuez avec vos messages. Mickaël et votre message au 612. Venez nous rejoindre aussi sur Facebook, Twitter et sur Instagram. C'est sur M-I-K-L officiel. Et tous vos messages qui arrivent en direct avec le hashtag et Mickaël, bien entendu. Il y a Déborah qui dit gros bisous à l'équipe, vous êtes géniaux. Il y a un coup de pelle. Ah, bah, je l'ai dû, pardon, tant pour moi. Et puis donc, voilà, M-I-K-L, c'est le hashtag qu'il faut mettre sur le Twitter pour qu'on lise vos messages en direct. Bon, donc dites-nous si vous vous êtes déjà baladé nu, évidemment, sans forcément faire attention, par accident. On aura Maxime dans un instant qui va nous raconter ça. Et est-ce qu'on a récupéré Maxime, un autre cette fois-ci, mais de Saint-Malo? Est-ce que ça refonctionne le téléphone? Oui. Ah, parfait, très bien. Maxime qui m'a envoyé un message sur Facebook pour voir si le numéro était gratuit depuis la, avec un abonnement Frido. Oui, hein, non mais. Mais avec un abonnement Orange également. Voilà, en gros, c'est un 01, donc c'est pas un numéro surtaxé. Donc, en théorie, c'est illimité. Donc, si vous avez l'habitude d'appeler des gens sur des numéros fixes, eh ben, c'est gratuit. Voilà. Et si vous appelez depuis votre portable sur le 01, bah alors soit c'est gratuit aussi parce que c'est limité, soit ça déduira de votre forfait, mais ce sera pas en plus. Voilà, pas comme tous les 08 par exemple qui ont les numéros surtaxés, etc. où c'est en plus du forfait où vous payez. Voilà, c'est un 01. Donc franchement, si vous payez en appelant un 01, faut vraiment. C'est vraiment vous avez un forfait pourri. Ah ouais, vraiment, faut appeler votre opérateur s'il vous en fume, mais d'une violence sans nom quand même. Bon alors Maxime, qu'est-ce que tu nous appelais? Tu nous appelais pourquoi juste avant les Gaga? Moi, je vous appelais parce que justement, Charles et ma copine, on s'est rencontrés sur Omegle, si vous connaissez, c'est un site pour parler avec des personnes. Sur quoi? Sur Omegle. Ouais. Omegle, je me connecte immédiatement. Vas-y. Justement, on s'est rencontrés par là, on a discuté, et puis trois semaines après, on s'est mis ensemble, et puis voilà, je voulais avoir des réactions pour savoir ce que les auditeurs pensaient de cette relation. Ah, sur les relations longue distance? Ouah, tu sais, après. Bah c'est ça en fait, finalement, c'est ça que tu veux savoir. C'est en gros, c'est si tu. Ouais, mais c'est. Ouais. J'ai jamais connu, j'ai jamais vu en vrai. Oui, bah, c'est ce qu'on appelle une relation longue distance. Ça peut être ça aussi. Après, ça peut être aussi simplement une vraie relation. Genre, vous êtes rencontrés en vrai, genre pendant les vacances, et après, vous essayez de faire tenir ça. 9 chances sur 10, hein, ça tient pas, hein, en règle générale. C'est vrai. Et alors, la relation où vous êtes ensemble, où vous vous êtes jamais vu, c'est encore moins de chances de tenir. Hein. Autant être franc. T'as déjà vécu ça, une relation longue distance ou pas, Amina? Oui. Combien de temps? Bah, et quelle distance? C'était France-Italie. Donc ça commence à faire, ouais. Bah, ça dépend après, parce qu'il y a la frontière, tu vois, tu peux être d'un côté et de l'autre.